01 42 48 5000, hein, c'est le numéro pour nous appeler là toute la soirée. Et ça va continuer là maintenant avec Mickaël, No Limites. Nous, on va vous retrouver. Il est là. Demain, 20h, 23h, Love in Fun sur Fun Radio, comme tous les soirs. Bonsoir, Mickaël. Comment ça va? Salut l'équipe. En forme. Salut, ça va bien? Bah oui, tranquillement. Ouais. Ça, c'est le doc a passé un bon week-end? Bah oui, bien sûr. Oui. Parfait. Comme d'habitude. Bah, je sais pas, moi, je demande. Mais j'ai travaillé, mon gars. Il a fait l'amour. Arrête, j'ai travaillé. Le doc. Et il pourrait faire l'amour. On respecte le doc. Je rappelle que ce n'est pas sale. Il ne fait pas l'amour, le doc. Et qu'est-ce qu'il fait alors? C'est le doc. Il va exactement. C'est un peu comme les meufs. Les meufs, elles vont pas aux toilettes. C'est ça. Elles, tu vois, elles c'est comme un saint homme. C'est un saint homme. Voilà, le doc il arrête pas de baiser dans tous les sens, à droite, à gauche. Karel, c'est par procuration. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il aimerait faire, il le fait faire. C'est ça. T'as tout compris, doc. Exactement. Putain, sans déconner. Qu'est-ce que vous racontez? Comme quand je n'arrête pas de niquer. Ah bon? Je n'arrête pas, moi, en ce moment. D'ailleurs, Sandro peut en parler. Ah bon? Ah oui, c'est vrai qu'elle a eu une relation sexuelle avec Sandro? Non, mais en tout cas, elle a eu de la visite ce week-end. Alors, on ne sait pas qui, mais elle a eu de la visite. Peut-être Karel. Voilà. Eh ben, peut-être le scoop ce soir. On lui a exploré la grotte. Magnifique. Classe. Bon, bah, bonne semaine à vous. Puis, rendez-vous demain dès 20h. À demain, bisous. Allez, à demain. Ciao à vous, bye bye. Et puis, nous, on est parti jusqu'à 2h. Mickaël, No Limites, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et oui, bonsoir tout le monde, 23h02, on est pas en retard ce soir, c'est pas grave, bonsoir à vous, bonsoir à toi qui est derrière la radio et qui vient de mettre ta radio sur Fun Radio pour écouter la seule vraie émission de Libre Antenne où tu peux tout dire justement, donc n'hésite pas. Cette émission s'appelle Mickaël No Limites, moi c'est Mickaël, tout simplement, on est ensemble du lundi au jeudi de 23h à 2h et le dimanche on est là dès 20h hein, jusqu'à minuit comme hier d'ailleurs, on a passé 4 bonnes heures ensemble, on s'est bien marré. Si vous voulez passer l'antenne, délirer avec nous, n'hésitez pas, vous m'appelez tout de suite 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4 x 0, vous arriverez ici comme Laurine qui est avec nous là. Laurine, comment ça va? Ça va et vous? Eh ben tranquille, Laurine, t'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, tranquille. Bon, tant mieux, tant mieux. Laurine, alors t'appelles de la Loire, toi, c'est ça? Ouais. Bon, très bien. Et t'as écouté l'émission d'hier ou pas, toi? Ouais, mais je me suis endormie, en fait. Oh, merde. Oh là là. Mais t'as quand même entendu le principal, c'est-à-dire que Sandro a eu de la visite. Hein? Ouais. On a ouvert la chambre de visite. Ça y est. Alors, vous savez, une chambre de visite, c'est un peu comme dans les baignoires, tu sais, sur les côtés des baignoires, t'as toujours un morceau de carrelage qu'on peut enlever au cas où il y a un problème de tuyauterie. Mais ça s'appelle une chambre de visite, mais c'est un endroit que tu ouvres jamais, tu vois, sauf quand t'as un problème. Donc, tu sais, dès que tu l'ouvres, c'est rempli de merde, d'araignées, tout le bordel. Et donc, on a ouvert la chambre de visite de Sandro, ça y est, c'est fait. Voilà. Et je rappelle que pour cette occasion, musique. Ah oui, c'est vrai. Attends, elle il faut quand même visiter. Exactement. Oui, oui. Et il donc, est chiant, Karel, j'avais dit de se taire. Mais oui, mais oui. Bon, et donc du coup, n'hésitez pas, hein, si vous voulez la féliciter, hashtag et Mickaël, n'hésitez pas, vous mettez bravo Sandro, félicitations à Sandro. Ouais. Ça y est, elle a été visitée, comme quoi tout arrive un moment ou un autre. Hein. L'entretien est fait. Mais l'entretien est fait, exactement. Bon, toi, je te demande pas si tu as visité. Hein. Non, moi, j'ai rien visité. Ah non, d'accord. À part ma main, j'ai rien visité. Bon, bah écoute, heureusement, tu vas pouvoir encore rendre visite à des nouveaux amis ce soir. Eh oui. Enculé. Oui, tout à fait. Va te faire enculer, gros bâtard. Bon, bref, tous ces gens sympathiques, évidemment. Hein. Et puis, bah, Polo. Ah oui, Polo, évidemment, qui nous a abandonné cet après-midi pour un. Mais il était où? Une heure. Oui, un secret meeting. Non. Mais un rendez-vous secret. Alors, je suis parti voir un pote. Bon, non, c'est Stéphane. Ah, non, c'est pas un mec. Mais non. Est-ce qu'il aurait été voir Stéphane pour. Stéphane est une fille. Lui faire un petit peu de musique, de pipo. Ou de picoterie. Bah, on sait pas. À votre avis, donc Polo est parti pendant une heure cet après-midi. Là, il s'est barré sans rien dire à personne. Bah, si, il nous l'a dit. Enfin, il nous l'a dit, mais il nous a pas dit où. Il a dit je m'en vais, je reviens. Bah, c'est d'habitude, il met sa veste parce qu'il faut quand même savoir, c'est le seul mec qui quitte le bureau pour aller un étage en dessous chercher du café. Donc il ne sort pas et il met la veste. Donc là, quand il a mis sa veste, on s'est pas inquiété plus que ça. Bah non. Sauf qu'une heure après, on a appelé les pompiers avec Toff. Ah, on s'est dit, attends, on a failli lancer le plan alerte en recherche. Et oui, moi je suis partie à la cantine toute seule. Il y a un pote qui voulait me voir, je voulais pas le voir. Et il a dit, ouais, je lui ai dit non, je bosse. Il m'a dit, mais non, on se voit vite fait. Je lui ai dit, ok, c'est tout. Bah, il va être content, le pote. Mais par contre, Toff, moi, je ne donne pas de renseignements. Par contre, toi, l'histoire du nounours, on ne sait toujours pas à qui tu l'as offert. Exactement. Ah exactement. Et toi, j'ai acheté un nounours, on ne sait pas à qui l'a offert. Oui, et donc, je voulais juste dire que la voyante avait peut-être raison, c'est pas fait, mais elle a peut-être raison. De quoi? Oui, monsieur part en Égypte. C'est pas vrai. Ouais, oh, c'est pas fait. Ouais, j'ai un ami qui m'a dit ça. Oui, c'est pas un ami, c'est une amie. Non, j'ai un pote qui m'a dit oui, tu sais que taf part en Égypte. Oh, je fais le bâtard. J'ai appelé Polo et tout directement. La voyante avait dit que Toff allait partir dans un pays chaud en vacances avec une fille. Ah, c'est pas fait. Moi, c'est pas fait mon cul. Ouais. Je suis sûr que c'est fait depuis 3 mois. On peut pas la rappeler déjà plié, pour qu'elle nous balance des doses. Ah ouais, on pourrait essayer de la rappeler la voyante. La voyante, pardon, c'était une marabout d'ailleurs. Ouais, c'était une marabout. Donc si tu nous écoutes, appelle-nous. 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 8 5 1 4x0. Bon, et puis pour les Twittos addicts également, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre tous les soirs. On est plus de 20 000 sur le Twitter. On continue à faire gagner un sextoy et ce soir il sera pour le 5e du top Twittos. On fait le top 5 tous les soirs. Et pour éviter que ce soit toujours le premier, hein, parce que parfois ça arrive souvent que ce soit le même, hein, notamment pour les Let's Be Freaks, eh ben on change parfois le gagnant. Parfois hier c'était 3e, ce soir c'est le 5e. Donc si vous voulez tenter de gagner votre sextoy, il faut mettre un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Mais pas trop, parce qu'il faut pas être premier. Ah. C'est ça. Faut pas être 3ème, faut pas être 2ème, faut pas être 4ème, faut être 5ème aujourd'hui. Et pas 6ème non plus. Bref, il y a que nous pour faire ce genre de jeux de merde. Voilà, donc que le 5ème. Donc si vous voulez participer, donc envoyez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission. Et puis bah, plus vous envoyez de messages, plus vous avez de chances d'être dans le top 5 à la fin de l'émission. On aura aussi du son avec Fédé Legrand, Long Way From Home. Je vous cale aussi Eminem avec Rihanna, The Monster. Let's Get Ridiculous, qui a enflammé la scène de Starfloor. Hein. C'était il y a 2 semaines déjà. Oh, le temps passe vite. Oh. Red Fou va débarquer et puis on va se mettre en mode à la cool aussi tout à l'heure avant la fin là. Drake avec Hold On, We're Going On sur Fun Radio. Et si vous voulez écouter des sons en particulier, j'ai vu des messages qui demandaient le son de Stromae avec tous les mêmes. C'est une chanson qu'il a faite que pour Toff, hein, pour dire que c'était tous des connards quoi. Ouais. Voilà. C'est il a démarré toute son enquête sur lui. Mais j'ai découvert qu'il y avait pire que moi et donc ça me... Ah écoute, tant mieux, ben on en parlera tiens. Bon allons, si vous voulez écouter un son en particulier, donc hashtag Mickaël sur le Twitter, sur le Facebook. Et vous pouvez aussi faire toutes vos demandes ou même passer à l'antenne, délirer, réagir en envoyant votre message. Vous envoyez Mickaël espace votre message au 64 900 ou au 3044 pour la Belgique. On a aussi des cadeaux cette semaine avec les casques Focal qu'on vous offre, notamment ce soir dans le Chéri je peux te faire cocu par exemple, ou demain dans le Je t'emmerde, ou après-demain. Non, demain c'est dans la rupture. Ouais. Après-demain dans le Je t'emmerde, ou même jeudi, hein, dans le canular. Donc si vous voulez gagner vos casques Focal, vous jouez avec nous. On va également vous offrir l'iPad Air ce soir. iPad Air à gagner avec Anis qui est avec nous. Bonsoir Anis. Oui, bonsoir. Oh putain, je t'ai persuadé que c'était un mec, je suis déçu là. Ouais, c'est vrai, je suis un mec. Pardon, je t'ai persuadé que c'était une meuf là, je suis très déçu là. Ah, je m'attendais à voir. Salut Mickaël, ça va? Ouais, en fait, non, j'ai des couilles. Voilà, ce sont des couilles qui me saluent, je suis très déçu. Oh, vas-y, la déçu. Couille là. Let's Be Freaks, il y a Let's Be Freaks qui a toujours pas reçu son god. Oui, bah, une seconde. Alors, ça a été envoyé ou pas là? Ça a été envoyé aujourd'hui, nous y avons passé l'après-midi avec Polo. Ouais. Comme par hasard, il s'occupe des gods. Hein. C'est... Ouais, mais vous êtes relou, les gars. Il s'occupe jamais des cadeaux, mais là, c'est eux qui touchent. Mais non, attends, on a pris une charrette. Parce qu'on fait une charrette. Non, mais je vais expliquer notre journée. Donc, on a mis les gods. Enfin, j'ai mis les gods dans des enveloppes. Donc ce qui nous a pris une bonne partie de l'après-midi. Et après en fait on a voulu les porter au service courrier de la radio. Sauf qu'on est arrivé, le mec, non c'est pas moi qui m'occupe de ça, faut que vous alliez au bureau machin nanana. On est arrivé, on nous a dit En charrette, parce qu'il y avait, je sais pas combien de colis. Et donc on est arrivé, on nous a donné un ordinateur, on nous a dit voilà c'est là, vous imprimez les bons, vous les collez sur les enveloppes, vous les redescendez. Ah d'accord, ok. Bon en tout cas c'est parti aujourd'hui, donc vous serez livré demain ou après-demain. Voilà. Donc voilà, PPR tranquille, tout va bien, vous alarmez pas, tout va bien. Offert par passagedudésir.fr. Bien entendu, merci à cette voix off de merde. Bon bah Anis, bah t'es un mec, on fera avec, hein, tant pis, hein, c'est pas grave. Ouais. On en a eu d'autres, hein, c'est pas très grave. Bon Anis, allez, fais péter la colle. Je rappelle que si tu vas faire péter la colle là, tu vas poser une question donc à tout le monde. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, il gagne. Tu perds l'iPad Air. Si personne ne trouve la bonne réponse, en tout cas la personne qu'on a à l'antenne ne donne pas la bonne réponse ou ne répond pas car répondeur, parce que c'est trop tard, je rappelle qu'on donne la réponse à 00h30, eh bien tu gagnes. Anis, vas-y, on t'écoute. Ouais, c'est parti. Attends, je te mets là-bas. Ouh, j'avais oublié la musique, vas-y. Je traverse tout Paris sans sortir de mon lit, qui suis-je? Je traverse tout Paris sans sortir de mon lit, Sandro. Non. La bite. Non. Ça pas pourrait ça, être. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, il y a un iPad Air à gagner. Vous envoyez M-I-K-L et suivi de votre message au 64-900, enfin de la réponse plutôt, ou au 63-22 pour la Belgique. Vous pouvez aussi lire la colle que je viens de vous mettre à l'instant sur le Facebook. La lire et y répondre en allant donc facebook.com/M-I-K-L officiel. De plus en plus nombreux, on est plus de 285 000 sur la page Facebook et on est là depuis le 22 juillet. Donc c'est pour vous dire que ça marche plutôt pas mal et que vous êtes nombreux et nombreuses à partager cette page avec tout le monde et à prévenir tout le monde d'ailleurs, hein, qu'il se passe enfin quelque chose à la radio le soir entre 23h et 2h du mat dorénavant. Donc Mickaël No Limit et le dimanche de 20h à minuit. Bon, d'ailleurs, t'écoutes depuis combien de temps, toi, Anis, l'émission? Depuis longtemps ou pas? Ça fait 2 semaines. Ah, 2 semaines. Ah, pas mal. Ouais, ouais. Ah, très bien, très bien. T'aurais pu arriver plus tôt, hein, espèce de... enculé, gros bâtard. Hein, t'aurais pu arriver plus tôt quand même, non? Parce que bon, 2 semaines, hein, ouais, sachant qu'on est là. Ah, bah ouais, d'ailleurs. Ah, bah bravo, sachant qu'on est là depuis le 22 juillet, dis gros donc. Gros bâtard, va. Bah. Exactement, ouais. Enculé, gros bâtard. Non, mais alors, sans déconner. Bon, et en plus de ça, depuis 2 semaines, tu vas peut-être choper l'iPad Air ce soir, c'est tout ce que je te souhaite. Ouais. Bah oui. Bon, allez, on y va. Donc, gros je répète, je traverse tout Paris sans sortir de mon lit. Qui suis-je? Et si vous avez la bonne réponse, donc vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64-900 par SMS, au 63-22 pour la Belgique, toujours par SMS, ou sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Voilà. Bon, on te récupère tout à l'heure, Alice. On donne la réponse avant minuit 30 et puis on te reprendra de temps en temps pour remettre un petit coup de colle, d'accord? Pas de soucis. Bon, allez, à tout de suite, Anis. On va récupérer Laurine aussi dans quelques minutes. Il y a des messages qui sont arrivés, hein, comme je le disais, de plus en plus nombreux avec tous les messages sur le Twitter et le Facebook. Également, ah oui, je tiens juste, je vais pas en faire 3 heures, hein, juste au mauvais perdant d'hier des 500 euros. Allez vous faire enculer. Voilà. Voilà. Oh, c'est mignon. Non, mais comme placé. Ça, c'est fait, tu vois. Ouais. Au moins, c'est un message de bienvenue, mais venu de moi directement. Voilà. Oh, voilà. C'était beau. Oui, quoique, il y a les amis de Teuf qui veulent le dire également. Petit enculé. Voilà. Bon, bah, enfin, petits enculés en l'occurrence. Donc voilà, je rappelle encore une fois cette grande règle. Quand on ne peut pas admettre de perdre, il ne faut pas commencer à jouer. Voilà. Il y a le Bœuf Ferré qui dit le Père Noël est venu relever. Attends, c'est quoi? Relever la suie chez Sandro. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Ah ouais. J'aimerais bien passer pour vous parler, surtout pour parler à Sandro, mais le blème c'est que j'ai plus de crédit. Du coup, si vous pouvez m'appeler, ce serait cool. Et t'as pas laissé ton numéro, donc ça va être compliqué. Hein. très compliqué, très compliqué. Bah, sinon, tu peux toujours envoyer un mail aussi. Hein, sandro@funradio.fr pour passer. Alexis qui dit salut la couille. Bah, salut Alexis. Et alors Teddy également qui nous envoie un message mort de rire. C'est vrai pour le marabout. Ben oui, c'est super vrai en plus. Il y a Angelina qui dit Polo, t'es allé voir un mec quand je disais que sa petite voix de PD voulait dire quelque chose. Ah, Angelina qui n'était pas là hier, hein, nous a manqué Angelina. C'est vrai. Toutes ces insultes sur Toff et tout qu'on n'a pas eu, j'ai été très déçu, hein, Laurine. Il mérite de se faire insulter comme ça, Toff. Ça, c'est pour Polo. Hein. Mais ouais, bon, là, c'est pour Polo, mais d'habitude, c'est sur Toff. Hey, c'est qui ton préféré dans l'équipe, dis-moi, toi, Laurine? Bah c'est toi. Oh, merci. Ah. Voilà quelqu'un qui a du goût. Ouais, ouais, voilà. Après, et après. Et en deuxième place. Merde, j'ai dit son nom Toff. Ah merci. Toff, non c'est ça, merde. T'as eu raison. Ah ouais, c'est ça, merde. C'est de la merde, mais c'est ça, d'accord, ok. Ah ouais, donc c'est Toff en deuxième place. Bon ça alors, c'est dingue ça. Ouais. Merci Laurine, moi aussi bien. Je t'aime. Non, je suis même pas en troisième place. Non, mais mettez aussi avec le hashtag Mickaël qui vous préférez. Vous mettez 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme on est 4 dans l'équipe. Lequel on va faire un top. Voilà, on va faire un petit top pour voir lequel va être préféré dans l'équipe. Vous mettez 1. Enfin, en fait, il n'y a même pas de 1. Vous mettez. Si votre top c'est, j'en sais rien, moi, en 1, moi. En 2, Polo. En 3, Toff. En 4, Sandro. Bah, vous le mettez et puis on verra après lequel arrive le plus souvent en premier, en deuxième, en troisième. Et qui est le plus détesté de l'équipe. Ou là, plus détesté, hein, car il y a Sandro également. Donc hashtag et Mickaël sur le Twitter, sur le Facebook, et vous pouvez aussi envoyer vos messages sur les SMS, hein, vous envoyez M-I-K-L, vous envoyez votre message au 64-900 ou au 30-44 pour la Belgique. Bon, dis-moi Laurine, on va parler de quoi avec toi? En fait, genre, je voudrais reconquérir mon ex, en fait. Mais t'as quel âge? Tu vas en avoir 14. T'es pas sérieuse, mais qu'est-ce qu'on a à branler? Non mais c'est vrai, tu t'en fous quand même, et tu veux récupérer ton ex? Ouais. Mais t'es pas sérieuse quand même. Oui, c'est très sérieux. Mais enfin, mais t'es resté avec lui combien de temps? 12 quoi? Trois mois. Ah oui, quand même, 3 mois. Oh. Ouais. Pourquoi c'est fini? Genre, en fait, il voulait faire une cam et tout, ok, donc je l'ai fait. Et le problème, c'est que ma cam, elle a bugué. Et m'a fait, bah c'est beau, tu m'as gavé, c'est fini. Attends, mais tu peux me préciser ce qu'est une cam? Enfin, je sais ce que c'est, mais juste pour savoir si on parle de la même chose. C'est quoi une cam? Ouais, on parle de la même chose, enfin une cam, pas genre bonjour ça va, enfin voilà. Ouais. Quoi, vous voulez coucher ensemble, une sextape quoi? Ouais voilà. Mais vous êtes pas sérieux quand même, t'es à 13 balais. Oui. Non mais attends, mais déjà je te conseille pas de le faire. Vraiment pas. Parce que si après le mec il a la vidéo et qu'il te fait chier, qu'il balance tout sur internet ou n'importe quoi, laisse tomber. Franchement, le faites pas ce genre de truc. Bah oui. C'est, sur le moment même, c'est rigolo, mais après, ça peut vous apporter que des emmerdes. Donc voilà, bon, après, c'est un conseil, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas votre daron. Hein. Mais en fait, il va avoir 18 ans, donc je voulais. Bah, raison de plus. Mais t'as 13 ans, il a 18 ans. Non, là, laisse tomber. Mais quand on aime, Attends, stop. Si jamais tu ressors avec ce mec-là, je te fous une claque. Exactement. Je viens chez toi. Tu l'aimes pas, c'est pas vrai. C'est une merde. Bon, reste avec nous, Laurine. C'est pas vrai. Oui, reste avec nous, Laurine. On va revenir avec toi. Si vous avez envie de réagir à Laurine, eh ben, va vous balancer vos messages là maintenant, tout de suite. 01 42 48 5000. Pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et puis on est au cœur d'une heure sans pub également. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et cherchez pas ailleurs, hein, s'il y a sur aucune radio, il y a une heure sans pub. Et encore moins la nuit sans pub, puisque tout à l'heure, à partir de 23h45, on n'aura plus de pub jusqu'à la fin de l'émission. Il y a Stécy qui dit c'est Mickaël, en 2 Sandro, en 3 Toff, en 4 Polo. Il y a Maëva également qui dit en 1 Mickaël, en 2 Sandro, en 3 Polo, en 4 Toff. Alors continuez, hashtag et Mickaël, donnez votre classement des préférés de l'équipe. On fait un tour après, Fédé Legrand. Au cœur d'une heure sans pub, Fédé Legrand à l'instant, Long Way From Home. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Ne bougez pas, puisque je vous cale Eminem, Rihanna, avec The Monster. Bon, et si jamais vous avez envie de choisir un son, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël, vous pouvez nous contacter aussi vers le Twitter, donc hashtag et Mickaël, et vous m'ajoutez au passage, tapez Mickaël underscore officiel, c'est le petit tir en bas, Mickaël underscore officiel, et si vous me suivez, je vous suivrai également avec plaisir, on est plus de 20 000 dans la communauté, on est plus de 285 000 sur Facebook également, et puis vous pouvez aussi réagir à l'émission par SMS, hein, si vous n'avez pas internet sur votre smartphone par exemple, on sait jamais, vous envoyez Mickaël suivi de votre message au 64 900 ou alors au 3044 depuis la Belgique. Il y a Eric qui dit ma préférée dans l'équipe, c'est 1 Sandro, 2 Mickaël, 3 Polo, 4 Toff et un coup de pelle sur la tête de Toff. Dur à choisir, vous êtes tous les 4 géniaux. Bah c'est gentil, merci beaucoup. Mais coup de pelle quand même. Mickaël qui dit Polo le papa. Le papa poule, pardon, a raison, 14 ans, 18 ans, ça va pas laisser tomber, je suis d'accord. Il y a Steve aussi qui dit Mickaël, Toff, Sandro et Polo. Francis qui dit premier pour moi c'est Sandro, deuxième Mickaël, troisième Polo, quatrième Toff. C'est marrant parce que les mecs qui veulent mettre Sandro en premier. Il y a Jason qui dit Sandro 1, Toff en 2, Mickaël en 3, Dexter et Polo en 4. Je t'emmerde par pure amitié bien sûr. Bah merci Jason, bah va te faire enculer. Angelina aussi qui dit Mickaël numéro 1, Sandro numéro 2, Polo numéro 3, Toff numéro moins 100 millions. D'accord. Et Shannon en 1, c'est évidemment Mickaël, en 2 Sandro, en 3 Polo. Et bien sûr, le dernier, c'est Toff, bien entendu. Très bien, je rappelle que celui qui sera numéro 4 sera viré en fin d'émission. Et alors dit Jérôme ce qui dit Mickaël, Sandro, la touche de charme de Fun. Donc Sandro 1 car c'est une meuf, 2 Mickaël, 3 Polo car j'aime son pipeau et Toff a été effacé. Oui, je ne fais plus partie de l'équipe. Voilà, et alors Alex qui dit je pense le bébé bisou et Andreas aussi qui dit Laurine joue à la Barbie au lieu de sortir avec un majeur pour te la péter. Bah alors Laurine, on va la récupérer là. Laurine qui a 14 ans, qui veut récupérer son ex de 18 et en fait elle l'a viré parce qu'il voulait faire un plan cam, donc une sextape en fait tout simplement. À 18 ans et 14 ans, c'est quand même dur là, c'est quand même lourd, non? Et tu veux pas l'appeler Mickaël et le menacer, dire je vais lui péter la tête. Polo il va venir avec son gun, je vais lui péter la tête avec son je vais avoir des problèmes. D'ailleurs je tiens à passer un message à ma nièce qui s'appelle Laura, qui peut-être écoute d'ailleurs, j'espère que t'écoutes pas sinon je te pète ta tête aussi. Si jamais j'apprends un jour qu'il y a un mec de 18 ans, je lui coupe les bras. Ouais. Au mec ou à elle? Ah non, au mec. Ah oui. Je lui coupe les bras, je lui coupe les jambes. Et je lui laisse peut-être la tête. Oh, t'es quand même sympa. Je suis assez d'accord. S'il s'excuse. Oui, alors s'il s'excuse, je lui laisse la tête. Donc le message est passé. Voilà. Est-ce que t'as bien compris, Laura? Tranquille. Le message est passé. Tu es prévenu. Voilà, et prévenu. Tu vois, je suis paix, amour et amitié. Oui, ouais, oui. Voilà, peace and love, tout simplement, voilà. Bon, avant de récupérer Laurine, justement, alors j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté de cette information, hein, cette grande information. Est-ce que t'es passé à côté de l'information, Anis? L'information de la journée? Non, t'es passé à côté, bravo. Eh bien, dorénavant, ça coûtera 1500 euros d'aller aux putes. Non. Plus la passe. Eh, plus la passe, bien sûr. 1500 euros, c'est que l'amende. Donc si vous vous faites prendre par la police, ouais, c'est une nouvelle loi en France qui est passée alors que 68% des Français étaient contre. Ce qui m'a donné l'idée d'aller poser la question à tes amis, Tof. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà. Bah, oui, tes amis, donc, pour savoir. S'ils sont déjà allés aux putes. Bah, s'ils ont déjà été aux putes, effectivement. Ah bah oui. Voilà, c'est ça. Allons demander à mes amis. Voilà. Donc si jamais vous avez des numéros de téléphone disponibles de gens encore debout à cette heure-ci ou qui sont plutôt du style à se coucher tard et surtout à s'énerver rapidement. Vous envoyez les numéros de téléphone à Tof, toph@funradio.fr, et donc on va aller leur poser cette question. D'ailleurs, dites-nous, tiens, si vous avez déjà été voir des putes. C'est vrai ça, Tof? Je pose pas la question, évidemment. Jamais. T'enculé. Voilà. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais payé pour du sexe. Et toi, Anis? Non. Non, jamais. Et toi, Nicolas, qui est avec nous également, là, de Corée. Salut, Nico. Sincèrement, non. Jamais. Bon, bah, très bien. Et toi, Mickaël, 26 ans de Paris? Moi, en fait, j'appelais. Laurine là. Oui oui non mais c'est pas. Je vais t'en reprendre dans quelques instants, t'inquiète Mickaël. Mais est-ce que t'as déjà été voir des putes? En toute sincérité, on s'en fout, après on juge pas, on s'en branle. La Thaïlande ça compte ou pas? La Thaïlande ça compte. Non franchement les putes c'est pas trop mon truc moi. D'accord, non mais y'a pas de problème. Alors bougez pas, on va faire le premier appel, là on va récupérer juste après. Premier appel donc avec Tof afin de voir si les gens ont déjà été effectivement voir les putes. Et surtout pour les prévenir que attention, ça peut coûter cher maintenant. Ah bah oui. Bah 1500 euros. Bah c'est oui. Pas donné quoi. Ah bah ça fait cher la passe hein. Ah bah ça fait cher la passe hein. Plus la passe. Putain c'est ça. Encore ce sera un forfait. Mais non. C'est en plus tu vois. Ah bah ou un abonnement. Tu peux y aller toute l'année. Voilà c'est ça. Tu sais comme une carte UGC. Voilà. Carte UGC. Tu payes 1000 euros mais t'es tranquille quoi. Bah pipi limité. Voilà pipi. Unlimited. Pipi unlimited. Oh l'horreur. Bon bref. Du coup on va appeler le premier maintenant. Là c'est parti. Si vous avez des numéros, donc vous les envoyez sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, et on appellera jusqu'à 2h du mat des gens pour déjà les prévenir parce qu'on fait ça évidemment dans un. C'est de la prévention. Bah bien sûr. Toujours. Allez, caritatif. Bon, est-ce qu'on va rencontrer de nouveaux amis de Tof? Je l'espère, bien entendu. Va te faire enculer, gros bâtard. Ouais, peut-être qu'on appelle chez la même, je ne sais pas. Ce serait bien. Ah oui. Elle me manque. Oh. Oui? Oui, bonsoir, madame. Oui? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre mari était déjà allé aux putes. Mais vous croyez intéressant, monsieur, d'appeler des gens comme ça et dire des conneries comme ça au téléphone? Mais c'est pas une connerie, madame, je vous pose une question. Eh ben, moi, je vous dis, vous êtes vraiment... Je sais pas, moi. Bah, moi non plus, je sais pas, madame. Ah, bah, elle sait pas, alors. Il faut savoir que quand on rigole et quand on parle, sauf Tof, eux nous entendent pas. Hein. C'est pour ça que parfois, vous pouvez vous dire, tiens, mais comment ça se fait qu'ils entendent pas derrière ou qu'ils réagissent pas? C'est parce que eux nous entendent pas. Bon, on rappelle, parce que comme t'es vraiment... Je sais pas. Bah, faut lui demander quoi? Bah oui, bah du coup, on va le rappeler. C'est parti. Puis on écoutera Eminem et Rihanna avec The Monster, comme promis. Alors... Oui, excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, on était en communication mais on a été coupé. Oui? Oui, non, je disais, je sais pas ce qui s'est passé, on a été coupé. Et alors? Et pourquoi? Ben, parce que je vous posais une question mais vous y avez pas répondu. Bah justement, je suis pas mariée, monsieur. D'accord, mais vous avez bien quelqu'un dans votre vie? Non, du tout. Ah bon, vous êtes toute seule, abandonnée, oui. Rejetée voilà. Chez vous. Telle une merde. Eh ben, nouveau raccroché, c'est quand même incroyable ça. Bon, est-ce qu'on rappelle? Oui, là, bon, on rappelle. Il faut aller les choses. Bon, allez, on y va. C'est reparti, on y va, on rappelle encore une fois. Allez. Ah, elle décroche plus. Oui, allô? Oui, ah, parfait. Bah, c'est écoutez, monsieur. Je croyais que votre femme n'avait pas de mari. Ferme ta gueule, bâtard, qu'est-ce que t'as là? C'est ma mère qui est en train de parler là. Oui, cette demeure. Oui, je voulais savoir. Bah, je voulais savoir si vous étiez déjà allé aux putes, monsieur. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Viens, je vais t'enculer, moi, t'as l'air, bâtard. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais pas, monsieur, moi, c'est vous êtes un peu énervé, je crois. Ouais, non, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu parles comme ça, ma mère, toi? Tête de meurtre. Bah, rien, je voulais savoir si votre papa était déjà allé aux putes lui-même. Ouais, et bah, et toi, t'es enculé, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah moi j'y suis jamais allé monsieur, mais ouais. Peut-être que vous y êtes déjà allé. Ah peut-être ouais peut-être, y'a l'heure, que ça peut te foutre. Bah c'est juste pour savoir monsieur. Ouais, alors ferme ta gueule, et puis si tu rappelles ça va aller mal pour ta gueule, t'as compris? Bah, non mais monsieur... Tête de meurtre, va te faire enculer bâtard va. Mais pourquoi vous voulez pas répondre à ma question? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'emmerde moi, enculé va. Oui, mais hein? Vous voulez pas juste répondre à la question? Non, je vais pas répondre à tes questions de con là. C'est alors pas... va te faire enculer bâtard, ok? Hein? Et tu suces tes meurs. Tu suces quoi? Tu suces quoi? T'es mort. Ah d'accord, ok, ah, bah, on va le rappeler. De Tof, tu suces les morts. Ah bah attends, on va le rappeler hein. Ah, c'est les siens qui nous disent. Et là, pour le coup, nouvel ami. Hein. Va te faire enculer, gros bâtard. Ah, oui, on a mieux là maintenant. Allez hop, on rappelle encore un coup, c'est parti. Et nous sommes toujours dans le nord, a priori. Hein. Allez. Est-ce que le nord va décrocher? Ce serait bien, ce serait beau. Parfait. Allô? Oui, excusez-moi, madame, mais je pense que c'est pas la peine de s'énerver. Retour de madame. On peut discuter calmement. Non, mais si on veut pas discuter calmement, pourquoi vous m'embêtez comme ça, là? Vous pouvez pas embêter quelqu'un d'autre? Mais non, mais j'étais en communication avec votre mari qui avait l'air un petit peu énervé. C'est pas mon mari, c'est mon fils. Ah bah oui, mais il était un peu énervé, madame. Hein, faudra... Bah oui, mais c'est normal, vous voyez pas comment vous parlez? Bah pas du tout, c'est lui qui parle très très mal, madame. Non, mais c'est vous déjà, vous avez commencé premièrement, là. Toute première fois à me parler mal. Mais pas du tout, madame, moi je vous ai parlé gentiment, je vous ai juste demandé si votre mari allait aux putes, c'est tout. Oui, et alors bah... Et même s'il y va, qu'est-ce que ça peut vous faire? Bah rien, c'était juste pour savoir, madame. Bah alors? Mais voilà, mais c'est pas là une raison pour que votre fils me parle aussi mal. Hein? Vous devriez lui apprendre un peu la politesse quand même. Bah non, il n'y a pas de politesse, monsieur. Bah si, quand même, hein, parce que là, il est quand même très très très vulgaire. Bah oui, mais quand même, c'est vous qui avez commencé avant, hein, déjà, premièrement, hein. Mais pas du tout, moi j'étais très cordial, madame. Bon, bah maintenant, monsieur, si vous téléphonez encore, moi je m'attends, je vais réagir, je vais aller à la police et puis je vais donner votre numéro de téléphone. Et on raccroche, bah très bien, bah écoute, parfait. Bon, on va les laisser là, c'est bon, hein, 4 oui, appels, là, je pense oui, qu'on a eu l'autre dose. On en appellera d'autres tout à l'heure, donc si vous avez des numéros, n'oubliez pas, vous envoyez les numéros de, eh bien, ce genre de personnes, c'est parfait. Encore la meuf, elle est un peu calme. Oui, ouais. Mais lui, par contre, était de très bonne humeur. Alors c'est que le normal. Fils, il est en forme, lui. Hein. Bon, donc voilà, donc si vous voulez, n'hésitez pas donc sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Bon, Laurine. Ouais. T'as pas des numéros, toi, éventuellement, de gens encore un peu nerveux, là, à cette heure-ci, non? Non, ils dorment tous en ce moment. Ah, ils dorment, merde. Il y a Chloé aussi qui dit Mickaël, tant de haine au téléphone. Oui, c'est ça. C'est ouf. Il y a Lilay aussi, qui dit touche pas à mon Tof, il est con, c'est un salaud, mais il fait pitié. Alors laisse-le tranquille, il est assez déséquilibré comme ça. Et Stéphanie qui dit un Corésien qui est jamais allé aux putes, j'y crois pas. Dit Jérôme qui dit j'ai pas mis Tof car pour moi il n'existe pas depuis que j'ai appris qu'il était gigolo avant. Et Yann, mais il a pas été gigolo avant, t'es sérieux là, avec sa tronche, il peut pas être gigolo. Il y a Yann aussi qui dit Polo avec son gun mort de rire, tu parles bien de l'arme. Bah oui, voilà. Et Elodie qui dit laisse tomber le mec, il a 18 ans, ça sert à rien. Bon, on va reparler avec justement avec Laurine dans quelques minutes. Mickaël et Nicolas qui voulaient réagir, tu restes là Laurine. Et puis bah, juste avant de se mettre Rihanna Eminem, on va se refaire un petit coup de la colle. Non, on va le faire après, tiens, on va le faire après Rihanna Eminem. Tu restes avec nous Alice? Ouais, ouais. Bon, on se met Eminem et Rihanna, t'aimes bien? Ouais. Ouais, allez, c'est parti. Eminem, Rihanna, au cœur d'une heure sans pub. C'est Mickaël No Limit. Bienvenue. Si vous ne savez pas quoi faire, bah, écoutez-nous le soir, 23h, 2h. Si vous écoutez d'autres radios et que vous débarquez ce soir, soyez les bienvenus. Vous allez enfin écouter quelque chose de bien à la radio, 23h, 2h du mat, sur Fun Radio. Vous balancez tous vos messages, bien entendu. 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Et Eminem et Rihanna, Monster, c'est maintenant sur Fun Radio. Eminem, Rihanna, c'était The Monster sur Fun Radio. Et puis restez là aussi, hein. Celui qui avait enflammé Starfloor il y a deux semaines, Raifu, va débarquer sur Fun Radio avec Let's Get Ridiculous. Et puis on est toujours en direct, hein, au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio, à la cool, avec le chéri je peux te faire cocu comme chaque lundi qui va débarquer. Et puis il y a également Charles qui vient d'envoyer un tweet aussi, là, c'est la colle du jour. Il y a quoi à gagner? Il y a des iPad Air à gagner cette semaine dans la colle, on en a fait gagner un hier. Et puis justement il y a Anis qui va tenter de choper le deuxième iPad Air. Anis, peut-être pour toi. Ouais. Bah, je te le souhaite. Anis qui nous écoute depuis deux semaines seulement. Donc bienvenue à toi Anis. T'es tombé sur nous comment? Parce que je me souviens toujours d'une auditrice qui était tombée dessus parce qu'elle avait pas le choix, en fait elle était contrainte et forcée, donc ça m'avait fait rire. Quand elle avait dit non mais en fait je trouve votre émission nulle, j'ai écouté parce que j'avais pas le choix, je captais aucune autre radio et finalement elle aime bien. Donc ça va. Mais voilà, du coup je me demandais comment est-ce que toi t'avais découvert l'émission. Bah grâce à Facebook. Grâce à Facebook. Simplement. Ah bah voilà, bah très bien. Mais donc t'étais un gratteur, tu voulais gagner un cadeau toi. Non, même pas, il n'y avait même pas les cadeaux. Ah, j'avais plus. Même pas vu. Très bien. Bon bah en tout cas, sois le bienvenu. Bah du coup, tu seras peut-être récompensé. Je rappelle que tu vas donc poser une colle, que tu as déjà posé d'ailleurs il y a 20 minutes, à peu près. Ouais. Et donc le but c'est que les auditeurs trouvent la bonne réponse. S'il y en a un qui trouve et qui passe à l'antenne, il gagne, tu perds. Si c'est l'inverse, c'est toi qui gagne. Alors fais péter la colle. Ouais, donc c'est je traverse tout Paris sans sortir de mon lit. Qui suis-je? Je traverse tout Paris sans sortir de mon lit. Qui suis-je? On proposait un chinois. Non. Bon, il y a pas mal de réponses. Il y a un rêve. Non plus. Un dictionnaire pour Thierry. Non plus. Non, je suis l'ambulance. Ah ouais, qui traverse tout Paris, ouais. Je vois pas le rapport avec le lit, cela dit, mais bon, non. Ouais. Non. Un bâton mouche. Non. Un mort. Non. Non, Stéphane qui proposait les égouts de Paris. Non plus. Il y a Nathan qui proposait, j'ai trouvé, c'est un L. Non. Non. Non plus. Caroline qui proposait le TGV. Non. Nathalie, le métro. Toujours pas. Bon, le phare de la Tour Eiffel. Non. Non, bon bah tant pis. Alors si vous avez la bonne réponse, allez-y, on donne la réponse à minuit 30, en tout cas un petit peu avant minuit 30. Vous envoyez simplement vos messages maintenant, M-I-K-L, suivi de votre réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi bien sûr répondre sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Il y a d'ailleurs la colle qui est écrite, hein, comme ça vous pouvez la lire si jamais vous galérez et que vous préférez la lire. Ça peut-être que ça donne des idées à certains. Et vous pouvez y répondre évidemment. Donc bonne chance tout le monde. L'iPad Air a gagné dans quelques minutes à Nice. Enfin quelques minutes, dans moins d'une heure en tout cas. Ouais. Tu restes avec nous, Anis. On te récupère encore un coup avant le chéri. Je peux te faire cocu pour que tu puisses répéter la question, d'accord? Ouais. A tout à l'heure, Anis. A tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. On appellera d'autres personnes aussi avec Toff dans quelques minutes, hein, pour voir si ces gens ont déjà été voir les putes. Puisque je rappelle que depuis. Là, c'est interdit maintenant. Hein, c'est 1500 euros d'amende. Si c'est vous allez scandaleux. Voir les putes. Eh oui. Et il y a Tiffany qui dit salut l'équipe pour la réponse à la colle. Je dirais une dent. Ah, attends, c'est ça, Anis? C'est une dent ou pas? Anis? Non. Est-ce que c'est oui. Une dent? Il y a Tiffany qui demandait. Non. Non, c'est pas ça. Bon, bah voilà, bah, c'est pas une dent, Tiffany, hein, c'est tout ça pour rien. Angela qui dit Toff me fait penser à une bite ambulante. En fait, non, c'est une bite ambulante. Antoine qui dit super de vous écouter le soir, la bonne soirée. Merci Antoine. Et Véronique qui dit je vous adore trop fort, Agnès. Et pense à lui couper les couilles aussi au mec. Non, je vais lui laisser, mais il ne pourra rien faire avec. Voilà. Ce chien. Exactement. J'avais pensé à un moment vous mettre une photo de ma nièce, mais je vais non. Non, c'est ou pas alors, une bonne idée. Sauf si je peux la mettre sur le Facebook, mais je ne peux cibler que les filles. Ou alors flou. Voilà, oui, je vais la mettre comme. Ah ouais, je vais la mettre, mais flou. Ah, c'est pas mal, je vais y réfléchir. Comme flou qu'on l'envoie. Voilà. Agnella également qui dit coucou l'équipe, comment on fait pour participer à la colle? Bah voilà, t'envoies simplement ta réponse. T'envoies Mikael et la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique ou alors sur le Facebook, facebook.com/Mikael officiel. J'ai mis le post avec la question et tu y réponds dessus, tout simplement, Agnella. Cécile qui dit Toff, car tu es rigolo et que tu m'emmènes en Égypte et que je te kiffe. Ah oui, bah apparemment, si vous a pas demandé pour l'Égypte, c'est que c'est pas avec vous, la fille. Hein, donc il y en aurait certainement d'autres. Ce n'est pas moi qui ai demandé, on m'a proposé. Oui, enfin, bon. Bon, il y a Tini aussi qui dit connard mais pas conné. Connard mais pas conné. Je vois pas. Mon chien est malade, mon papa est en prison, j'ai perdu mes deux bras, s'il vous plaît, mort de rire pour l'iPad Air. Il y a Chloé qui dit en 1 c'est Mickaël. Ouais, je vous avais demandé de classer les gens de l'émission, l'équipe. Alors il y a Polo, il y a Toff, il y a Sandro et il y a moi. Donc le classement, les 4 préférés. Voilà, vous commencez par le premier, vous allez jusqu'au quatrième. Il y a Pikissi aussi qui dit Mickaël, t'es au top, c'est la première fois que j'écoute ton émission. Waouh, ça faisait longtemps que ça bouge pas comme ça sur la radio. Bravo à l'équipe, c'est Peggy. Merci Peggy, et gros bisous à toi et puis sois la bienvenue surtout. Félicia qui dit moi c'est Toff, Mickaël, Sandro et Polo. Toff en 1. Mais enfin Félicia, oui, merci Félicia. Sérieuse là. Moi à 13 ans je joue encore au Barbie. Sérieux, la meuf d'aujourd'hui font pitié. Bon bah Laurine justement qu'on a avec nous là. Bon Laurine. Ouais. Bon alors Laurine, donc toi tu nous avais appelé parce que tu as 14 ans, hein, c'est ça? Ouais. Et c'est pas pour ça que tu nous as appelé, cela dit, hein. Non. Voilà. Et donc t'as un mec de 18, enfin t'avais un mec qui t'a proposé de faire un plan cam, donc une sextape, qui est quand même surréaliste. Moi je te déconseille de le faire. Et tu veux quand même le récupérer. Bah, c'est déjà fait, donc voilà. Ah c'est fait, mais enfin, mais Laurine ouais. Eh, deux, mets ta joue, ouais. Remets ta joue. Et encore. Merde. Ah voilà. Non mais attends, mais Laurine, sérieusement quoi. Oh là là. Bon, il y a Nicolas qui voulait donner son avis là. Salut Nicolas de Corrèze. Ouais, salut Micard. Mets-y un coup de pelle, s'il te plaît, là. Bah d'accord, avec plaisir. Tiens, et je la brûle au chalumeau. On n'en parle plus, j'ai eu un porte-voix manger. Voilà. Non, c'est vrai, quoi. Voilà, c'est d'ailleurs ce que je ferais également si un mec qui touche à ma nièce, hein, qui n'a pas l'âge. Ouais, non, mais c'est bon. Abusé, quoi. Bon, déjà, bonjour à toute l'équipe. Eh ben, salut, Nico. Bonjour à tous les auditeurs. Salut, alors, Nico. Vas-y, donne-nous ton avis, Nico. Ben, moi, écoute, c'est clair d'être précis. En tant que père, il m'arrivait un peu une situation similaire, tout au moins, quoi. Donc, ma fille, qui est aujourd'hui maintenant 18 ans, a eu une aventure avec un garçon suite à une autre radio. Et bon, c'était pas un plan caméra qu'il y a eu. Donc, il y a eu la relation sexuelle qui s'est faite. Ouais. Je l'ai énormément mal pris. Oui, enfin, en même temps, à 18 ans... Non, mais à l'époque, elle avait 14 ans. Oh là là là là. Oh là là là là. Voilà. Elle s'est fait et démonter sous ton toit. Elle avait 18 ans parce qu'elle avait le permis en plus. Oh là là là là là là là. Et alors, t'as fait quoi? Ah ben alors, quand je l'ai appris, stop. Tu vas nous expliquer après la pub ce que t'as fait. Hein, tu vas nous l'expliquer après la pub ce que t'as fait. Bouge pas Nicolas, on aura Elodie également. Salut Elo. Salut. Comment ça va? Bah ça va tranquille depuis jeudi. Depuis jeudi, bah oui, bah très bien Elodie, y a pas de problème, hein, de même depuis jeudi, y a pas de souci. Elodie, tu voulais réagir à Laurine? Ouais, parce que ça me choque quand même, 14 juin, le mec il a 18 ans, c'est un plan cam avec. Bon, alors, bah Elodie, tu vas nous parler dans quelques minutes, là, reste avec nous. Je vous cale aussi le son de Redfoo, Let's Get Ridiculous. On aura les teubés de la télé qui vont débarquer dans quelques minutes. Et puis on aura aussi surtout le chéri, je peux te faire cocu. Comme chaque lundi, si vous voulez participer et gagner les casques focales d'une valeur de 200€, vous écrivez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. No Limit sur Fun Radio. Ferme ta gueule, gros bâtard. On a un radeau tout à l'heure. Hein. Rassurez-vous, on aura le style chéri, je peux te faire cocu. Dans quelques minutes, il y a Sylvie aussi qui a envoyé un message pour moi. Mickaël, tu es le premier. Ensuite, Sandro, Toff et Polo. Mais une bonne soirée un peu vulgaire, le gars du Nord. Oh, ouais, il est un peu vulgaire. Ouais. Il y a Denis aussi qui dit moi, c'est Easy, la chaîne de Sandro. Sandro, Mickaël, Toff et Polo. Et le parce que je vous ai demandé de nous mettre le top 4 des gens de l'équipe que vous préférez. Voilà, ouais. Mettez le premier, le deuxième, troisième, quatrième. Mettez hashtag Mickaël ou alors directement en envoyant Mickaël et votre message au 64900 par SMS. Je tiens à remercier tous les gens qui me mettent en dernier, ça fait plaisir. Exactement. Après tout ce que je fais pour vous, tout c'est ce bonheur que j'essaie de vous donner. Ouais, t'emballe pas non plus. Hein. Vous me mettez dernier. Bon, n'hésitez pas sur Facebook également, rejoignez-moi facebook.com/Mickaël officiel. Plus de 286 000 et on est là seulement depuis le 22 juillet. Et je vous rappelle également que vous pouvez m'ajouter sur le Facebook, sur le Twitter, pardon. Si vous m'ajoutez, je vous ajouterai également. Si vous me suivez, je vous suis en gros. Hein. Vous tapez Mickaël underscore officiel, underscore c'est le petit tiré en bas. Et Ajar qui dit Mickaël, tu déchires toi l'équipe, n'arrêtez pas de nous surprendre. Bah t'inquiète pas, on compte pas s'arrêter tout de suite. L'iPad Air a gagné avec Anis et la colle. On va vous la reposer dans quelques minutes pour ceux qui viennent de débarquer. Hein, il est jamais trop tard. Et je vous l'avais promis, le son de Redfoo maintenant sur Fun Radio. On démarre la nuit sans pub, hein, plus de pub jusqu'à l'arrivée de Bruno Guillon. C'est Let's Get Ridiculous. Son de Redfoo sur Fun Radio, Let's Get Ridiculous, et ça y est, plus de pub, on est pépère. Il y a Ajar qui dit Mickaël, bon, tu déchires ça, toi et l'équipe, n'arrêtez pas. Bah merci Ajar, le prince qui dit bonsoir tout le monde, désolé pour mon immense retard, j'étais au téléphone avec une amie. Et tu crois que c'est une excuse? Non mais t'es sérieuse? Alors non mais sans déconner quoi. Et comment ça se fait que cette amie n'écoute pas l'émission? Ouais, en plus, ouais, voilà. Et Marissou aussi qui dit il y a 14 ans, il fait déjà ça, je suis outré. Bon, on aura le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Et avant de récupérer Laurine, Nicolas et Elodie qui voulaient réagir, je voulais également vous signaler pour ceux qui ne sont pas encore au courant que vendredi, samedi et dimanche on sera à Montpellier. Ouais. Vendredi on sera sur l'esplanade du lycée Joffre. Lycée Joffre. On arrivera à mon avis aux alentours de on sera là vers 15h pour l'apéro et puis vers 16h pour les premiers qui sortent quoi. Oui. Bah voilà, tranquille, hein. Bah c'est un petit apéro, en plus ils annoncent plein soleil. Bon, il fera un peu frais, mais plein soleil quand même. Donc voilà, on va venir vous chercher au bahut, on aura des cadeaux, tout le bordel. Donc à partir de, allez, on va dire 16h sur l'esplanade du lycée Joffre. Le samedi, on ira faire un petit match de foot au Soccer 5. Ouais. Voilà, on mettra les coordonnées, l'adresse exacte sur le Facebook de l'émission, hein, Soccer 5. Exactement, on mettra Sandro dans les cages, bien entendu. Mais si. Ah, allume mon micro. Bah, c'est toi qui l'allume, moi je fais rien. Je suis énervée toute seule, je l'ai éteinte. Mais oui, elle est complètement barrée. Elle. Et voilà, non, vous allez faire exprès de tirer mais sur moi. Non, mais pas du tout. Mais non, parce que tu seras avec notre vous. Équipe. Tu seras dans on notre va équipe. Sur toi. Ah d'accord. On c'est, pas comme et ça, on passe nous. Les auditeurs. Hein. Non, ça va être les chiens. En fait, on va faire une. On va dans jouer. Et il y aura des chiens. En non, fait. Mais je sais pas. Parce que le Soccer Fight, en fait, c'est l'endroit où tu joues contre des chiens. Non, mais alors vous mettrez en défense. Vous mais allez mais oui, mais c'est t'inquiète normal. Pas, je serai tacticien. Non, j'ai peur, il y a une combinaison et tout. Oh, hein. Voilà, ouais, est-ce que je peux rappeler cette grande technique de Mickaël? Oui, je suis le tacticien quand on fait un match de ouais, foot. Ouais, c'est moi qui vais attaquer et en défense, vous défendez. Oui. Ok. Ouais, mais quand on joue avec des cassos, il vaut mieux préciser, c'est pas toujours clair l'esprit de tout le monde. Hein. Mais il me faut un casque de vélo alors, pour pas quoi me faire mal. Mais tu vas faire du vélo, on fait du foot. Et une armure, tu veux pas qu'on te ramène une armure, ouais, c'est pas mal. Et une épée, ouais, c'est bien. Enfin, bon bref, donc si vous voulez venir avec nous, vous êtes les bienvenus. Et puis après, on ira boire un verre aussi le soir, le samedi soir, bien sûr. Offert par Tof. Et puis offert par Tof. Il s'est engagé, Je me suis engagé à rien du tout. Putain, mais quelle classe. On est tous témoins, même le stagiaire Dexter, il s'est engagé. Exactement, ouais. Il y avait un TT. Voilà, il s'est engagé, exactement. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, et dimanche soir, on fera l'émission en direct des studios de Fun Radio Montpellier. Donc, si vous voulez venir nous voir, vous êtes évidemment les bienvenus. Ça se passe sur la place de la Comédie, les studios de Fun. Hein, c'est sur le coin, sur l'extrémité, je sais plus laquelle, mais bref, c'est les studios de Fun. Donc, voilà, vous serez les bienvenus. Il y a aucun problème, bien entendu. T'es pas à Montpellier, toi, Alice? Ah bah non, toi t'es dans le Var, toi. Ah bah ouais, ça fait un peu loin. Dans le Var, ouais. Un peu loin, ça, toujours moins loin que Lille par exemple, mais bon. Bon bah pour ceux qui sont dans le coin, venez nous rejoindre tout le week-end. Soyez sur le Facebook de l'émission et sur le Twitter. On vous mettra les endroits où on sera exactement. Et puis comme ça vous allez pouvoir venir faire des photos avec nous. Et puis même délirer l'après-midi en fait, tout simplement. Pépère avec nous, tout simplement. Bon, avant de récupérer Laurine, on se refait un petit coup de colle à Nice là. Vas-y, vas-y, pour gagner l'iPad Air. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, il gagne et toi tu perds à Nice. Si c'est l'inverse ou que personne ne décroche, c'est toi qui gagne, Anis. L'iPad Air, vas-y, fais péter la colle. C'est parti. Vas-y. Alors, je traverse tout Paris sans sortir de mon lit. Qui suis-je? Je traverse tout Paris sans sortir de mon lit. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, il suffit d'envoyer M-I-K-L suivi de votre message, enfin de votre réponse, au 64-900 ou alors au 63-22 pour la Belgique, ou même venir directement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, pour donner la bonne réponse. Voilà, c'est aussi simple que ça, je répète. Je traverse tout Paris sans sortir de mon lit. Qui suis-je? Vous envoyez M-I-K-L et votre message au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et on donne la réponse avant minuit 30. Voilà. On récupère encore une fois Nice avant de donner la réponse, d'accord? D'accord. Bon, allez, bouge pas de là, Nice. Et bonne chance pour les autres. Vous pouvez venir sur le Facebook aussi hein, pour répondre et pour lire la colle. Facebook.com/MIKL officiel. Il y a Maeva qui dit Mickaël, toi t'es mon premier chouchou. Toff, mon deuxième. Polo, bien entendu. Bah, toi t'es 3 petits points. Et Harmonie qui dit 11 degrés aujourd'hui à Montpellier. Pas si frais que ça. Ouais, moi je suis portugais. Alors 11 degrés pour moi c'est un peu frais. Tu vois. Mais ça va. Pour un mois de décembre, on va pas se plaindre. Hein. Donc Harmonie, j'espère que tu seras des nôtres ce week-end hein, quand on passe vous voir à Montpellier. Giovanni qui dit un grand big up à vous. Continuez comme ça. Et pour la fille de 14 ans, bah ça craint. Et alors, justement, avant de se faire le chéri, je peux te faire cocu. La fille de 14 ans qui s'appelle Laurine, on va la récupérer. Et donc Nicolas également, qui Laurine qui nous avait appelé parce qu'elle a 14 ans, elle se tapait un mec de 18 qui voulait faire une sextape, qu'il a fait visiblement. Hein. Vous l'avez faite, hein, Laurine, c'est ce que tu m'as confirmé. Ouais. Et après, il t'a viré. Ou tu l'as viré. Non, en fait, genre ma cam, elle a bugué. Du coup, il m'a dit, bah c'est bon, tu m'as gavé, c'est fini. Mais tu sais quoi, Laurine, qui laisse son cul. Mais oui. Un mec qui te vire pour une cam qui marche pas, c'est quand même bizarre. Dégage cette merde. C'est une merde. La prochaine fois, tu lui dis ça, en fait, tout simplement. Tu suces tes mœurs. Tu vois, exactement. Ou alors tu dis ça. Et toi, t'es enculé. Et ouais, voilà, c'est ça, c'est toi qui aurais dû le virer. Ou alors, Laurine, t'essayes de le récupérer et quand il dit oui, tu lui dis, bah, tu sais quoi? Ah bah, va te faire. Viens, je vais t'enculer, moi, t'as l'air, bâtard. Voilà, bâtard. Tu dis ça avec le même accent, hein, bâtard. Bâtard. C'est important d'enlever la mère. Ah non, on va pas marseillais. Oui, bah écoute, peu importe. Va te faire enculer, gros bâtard. T'essaies de lui sortir un truc comme ça, quoi. Bon, bref, Nicolas qui nous avait expliqué qu'il avait eu la même histoire avec sa fille qui a 18 ans aujourd'hui, mais à l'époque elle avait 14 ans. Tu l'as appris et qu'est-ce que tu as fait au mec? On a attendu toute la pub hein, que tu nous expliques ça. Donc, nous sommes impatients. On t'écoute, Nico. Nicolas ouais, donc, je suis là. Très bien. Alors, on t'écoute, Nico. Avant d'expliquer la petite histoire de ce qui s'est produit, quand même, bon, bah, pour Laurine, il est clair que, bon, 14 ans, là-dedans, je veux dire, faut pas qu'elle se précipite, surtout avec un garçon qui est beaucoup, enfin, relativement plus âgé et qui va chercher systématiquement d'autres choses que des caméras et des bijoux. Oui, bah, c'est sûr, c'est la petite parenthèse. C'était la petite parenthèse, faut qu'elle oublie et qu'elle trouve des compagnons de son âge, tout au moins. D'accord. Et donc, moi, pour mon histoire personnelle, ben, en fait, quand je l'ai appris, j'étais tellement en colère que... Bon, certes, j'ai puni la gamine, mais la première chose qui m'est venue, c'est que j'ai attrapé l'ordinateur, je l'ai cassé sur la tête. Ah non, pardon, d'accord, ok. Non, par terre, elle a pris une gifle, c'est vrai, elle a pris une gifle dans mon énervement que j'ai regretté après tout de même. Non, t'as eu raison. Et ensuite, j'ai créé... Mais il faut jamais frapper. Ah, sur le coup de la colère, ça peut aller vite quand même. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais non, c'est Polo qui disait t'as eu raison, mais non, t'as pas eu raison. Quelque part, je vais pas dire non. J'ai eu raison, j'ai il eu faut tort, pas frapper, mais j'ai il... fait une erreur voilà. Quand même. Voilà, t'as fait une erreur, voilà, il faut plus le faire. Bon, bref, continue. Voilà, et du coup, pour essayer de piéger la personne, j'ai créé un pseudonyme en me faisant passer pour une fille, en lui donnant un rencard à Uzerche à la gare. pour que je puisse l'attraper pour lui mettre une volée. Et quand il m'a vu, il a fait demi-tour avec la voiture, il a jamais voulu descendre. Tu l'as foutu les boules, quoi. Pas le donner. Ah non, j'ai même pas pu lui en mettre une, hein. Il y a que la voiture. Non, non, non, quand je dis tu lui as foutu les boules, c'est que tu lui as fait peur. Oui, oui. Et il a eu relativement un peu peur, quoi. Bah, tu m'étonnes. Non, mais c'est bien en même temps, tant mieux. Et aujourd'hui, ma fille, aujourd'hui, avec le recul, ça sera refaire, elle le refait pas parce qu'elle le regrette. Oui, bah, aujourd'hui, elle a 18 ans et elle vieillit, voilà. Aussi, hein. Voilà, c'est une mauvaise aventure. Elle a pas voulu écouter papa-maman. Voilà. Et c'est mal parti. Bon, alors que papa lui disait des choses tellement bien. Voilà, Laurine. C'est ça. Laurine. Ouais. Bon, t'as entendu ce qu'il a dit, Nico? Ouais, ouais. Ouais, mais c'est un vieux con, j'en ai rien à foutre, de toute façon. Mais non, il a raison. Hein, Laurine? Ouais. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Mais non, mais non, Laurine, il a raison pour le coup. Vraiment, on dit pas ça pour te faire chier, Laurine. On dit ça parce que c'est vrai. Ouais, parce qu'on t'aime. Ah bon, d'accord, ok. Attends, il y a Elodie avec nous là, 20 ans. Elodie? Oui, tout le monde là. Ah, très bien. Alors, toi, c'est quoi ton conseil? Alors, moi, je lui dirais, laisse tomber, pense à autre chose. Je sais pas, moi, sortir avec tes amis et tout, mais le mec, il vaut pas le coup, quoi. Mais oui, c'est un connard. Il vaut pas le coup, le mec, attends, il dit, ouais, juste parce que t'as qu'à ma bug, ouais, toi et moi, c'est fini. En fait, il veut juste mater, ben oui, il veut juste, voilà, quoi, il veut juste tirer son coup, je sais pas, moi. C'est un mec... Et là, pour le coup, il a même pas tiré son coup, hein, tu vois. Bah ouais, bah encore heureux. Ah, peut-être derrière la caméra. Attends, Laurine, il a pas tiré son coup. Non, non, quand même pas. Ah bon, d'accord, ok. Non, mais ah ça bah va. Encore heureux. Sinon, j'aurais dû te mettre un coup de pelle, hein. C'était obligatoire. Bah oui, j'aurais été obligé. Là, je l'ai mis sur les Gold Off, du coup, t'inquiète pas, Laurine. Bon, non, mais c'est vrai. Bon, et donc, du coup, donc Elodie, même constat, donc faut le dégager. Ah bah là, c'est clair, ouais, faut qu'elle le dégage, quoi. Ça vaut pas le coup du tout. Bon, bah voilà, Laurine, écoute, tout est dit là maintenant, hein. Ouais. Bon, tu le vires, promis? Ouais, promis. Bon, si j'apprends, Laurine, que t'es retourné avec lui, on débarque à Vouche. D'accord? Non. Ah si, on va débarquer avec Toff. Exactement, on va débarquer avec Toff et je peux te dire que lui il va te faire peur. Hein. Juste en envoyant sa tête. Hein. Ouais. On va prendre son scoop de merde là. Et on arrive. Bah t'inquiète pas Laurine, ouais. Hein, y a le GPS, c'est pas fait pour les cons. Enfin si justement, mais t'inquiète pas, c'est pratique. C'est fait pour Toff au contraire. Ouais, ah bah lui par contre c'est plus compliqué, mais bon t'inquiète Laurine, hein, on prendra la voiture. Bon Laurine, je te fais des gros bisous en tout cas et puis réfléchis bien. Bon, je compte sur toi. Ouais. Gros bisous, salut Laurine. Merci Nico, merci Elodie d'être passé. Mickaël, je pourrais faire une dédicace, j'ai fait. Vas-y, Elodie, je peux faire une dédicace, tu me laisses même pas le temps de dire oui ou non. C'est ouf. Donc, une dédicace à une personne, comme tout le voilà. monde. Voilà, donc il y a ma famille qui est en train de m'écouter. Très bien, eh ben, le message est passé. Y a pas on les embrasse aussi. Exactement, il n'y a pas de souci. Salut Elodie, Nicolas, tu voulais dire. On pourrait me repasser au standard, s'il vous plaît, parce que j'ai eu un petit problème. Je te repasse Sandro, t'inquiète, maintenant, il n'y a pas de souci. Nicolas, tu voulais dire? Ouais, donc je vais faire le top. Donc le top 1, je vais mettre Sandro. Oh non! Ça fait normal pour moi. Et moi, si. Non, ça se fait pas. Ah si! Non, je suis désolé. Ça se fait, je suis désolé. Non, ça se fait pas. Je vais pas voter pour toi quand même. Allez, bah si, si, justement. Même si c'est si. Toi qui fais tout, je dirais pas le contraire. Voilà. Bah alors, mais là, je vais faire un peu plus macho, quoi. Ah, ouais, t'as raison. Enculé, moi, t'as l'air bâtard. Après, pour faire plaisir, je vais mettre Toff. Mais ouais, oui. Queue, merci Nico. Tu sors de queue. Voilà. C'est énorme ça. Ah, c'est exactement ça. Exactement. Là, je vais te faire plaisir, je vais te mettre en trois. Ah super. Vous êtes un sacré petit galéron. Ah oui, complètement. Ouais. Et en numéro 4, évidemment. Ouais. Polo, hein. En numéro 4, ça c'est Polo, bien entendu. Je me fais chier tous les soirs à être là pour vous parce que je vous aime. Mais c'est parce que Polo est. Voilà, c'est pour ça en fait. Les gens ne te rendent pas ton amour. Voilà, Polo. C'est scandaleux. Exactement. Bon, ben merci en tout cas, Nico. Hein. Mais pour un dépucelage à la radio, j'en ai pris plein la gueule. Exactement. Oh bah t'inquiète pas, ici on est à la cool, hein, on s'emmerde pas là, pas de problème. T'as fait des jacques faciales. Voilà. Allez, maintenant tu sais ce que t'as fait. Une dédicace. S'il te plaît, une dernière. Et allez, une vas-y. Dédicace. Allez, j'embrasse ma femme qui m'attend à la maison. Oh, c'est mignon. Et tu peux embrasser également son amant qui est avec elle actuellement, il n'y a pas de problème. Là, si t'es pas chérie, je peux te faire cocu, c'est après, s'il te plaît. Ah oui, c'est après, ça va arriver, oui, t'inquiète. Bon, ça roule. Salut Nico, bientôt, hein. A bientôt, ciao l'équipe. A bientôt, Nicolas, ciao. Qu'est-ce qu'il y a, Toff? Je disais qu'il aura peut-être pu le faire, sa femme. Le chéri, je peux te faire cocu? Ouais. Ah ouais, ça fait combien de temps que t'es avec elle, Nico? T'es fou, toi, Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ah, ça fait 20 ans, t'es fou, j'ai pas Attends, c'est le bon moment, 20 ans. Attends, ça peut être drôle. Attends, bon. je, Je te repasse Sandro, on sait jamais. Je te la repasse. Attends Nico, bah peut-être pas ce soir mais le temps qu'on prépare. Attends, je te repasse Sandro Nicolas, t'inquiète pas. Bon, et puis on va se faire encore des appels avec Toff, il y a le chéri, je peux te faire cocu à suivre. On va également prendre Georges avec nous de du 9-3. Salut Georges. Salut. Comment ça va? Très bien. De quoi on va parler avec toi, dis-moi? De drague. De drague, très bien. Je pensais qu'on allait parler de pêche, d'extasie. Ouais, de patates monumentales. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu toute ta famille aujourd'hui, Georges? Non. Non? Bah faut pas demander. Très bien. Bon bah Georges, alors bouge pas de là, on va parler de drague hein, justement hein, dans quelques minutes. Alors pas de problème. Courage, et puis on va se faire les teubés de la télé également, hein, puisqu'il y a Confessions Intimes, mon émission préférée. Ah, oui. Confessions Intimes, il y a un mec qui explique à sa femme qu'elle ne sait pas la chance qu'elle a justement comme quoi. Dis-moi à quoi je te sers. À laver ton linge? Je me demande un droit. À niquer quand tu as envie? Mais ça va, mais qu'est-ce que tu fais dans la maison, à part faire le ménage et t'occuper la petite tête tranquille, va, putain. Eh oui, c'est ça. Attends, sans déconner, putain. Et dans tellement vrai, il y a une meuf qui s'énerve sur son mec à cause de la console. Mais toi, tu joues pas, tu viens de laver Tom. J'ai rien à foutre de ta partie. Hop là. Bah ça devrait, tu vas rallumer. Ne fais pas trop insister, sinon je risque de te foutre la peine. Et j'aime pas quand tu cultives tes hémorroïdes. Et puis dans les ch'tis Hollywood qui explique pourquoi il est parti justement. Prends. Hey, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Ouais. Je prends n'importe quoi. Là je suis ici pour me faire une meuf. J'ai pas le temps. N'importe laquelle, il m'en faut une. Pour l'instant je suis parti sur jus. Bah voilà, pour l'instant il est parti. Bah tant mieux. Bah si c'est passé là, ce sera une autre. Mais qu'il revienne pas trop non plus, pas trop souvent. Hein. Bon, on s'écoute le son d'Avicii maintenant. C'est Hey Brother sur Fun Radio. Juste après, promis, le chéri, je peux te faire cocu. Et en général, vous aimez bien. Et tant mieux. On va jouer avec Adrian dans quelques minutes. Il y a Let's Be Freaks. Il y a excès de mollesse pour Georges. Ah oui, je confirme. Ouais. Nordic aussi qui dit joyeux anniversaire à moi-même, Mickaël. 21 coups de pelle, s'il te plaît. Alors, peut-être pas en mettre 21, mais si tu veux, j'ai la musique d'anniversaire. Oh, ah oui. Voilà. Voilà Nurtic. Je peux te mettre un coup de pelle au milieu. Voilà, ça on peut faire. Hein. Voilà. Et ben voilà, et bon anniversaire Nurtic. Il y a la friterie Alba également qui dit. Enfin, comme qu'on sache où ça se trouve, ça, histoire qu'on aille voir. Salut, merci pour le kit fun. Et je peux avoir un message de bienvenue pour mes clients. Bien sûr. Alors, vous savez que le patron de la friterie Alba. Suceur de queue. Voilà, exactement. Ah, ouais. Ah, et Angelina qui dit la meuf pour l'anniversaire de son mec, faut qu'elle lui achète le code pénal. Ah, c'est bon ça. Ouais. Et Ludwig qui dit Mickaël, je le dis et je leur dis, viens Montréal, la meilleure radio du monde, c'est Fun Radio. Ben, j'aimerais bien Ludwig. Merci beaucoup en tout cas. Bon, et t'es génial. Au moins 101 millions de fois mieux que Toff. Ouais, en même temps, c'est pas comparable. Hein. Ah ouais. Bah voilà. Et puis Angelina encore qui dit mercredi, je fais la boxe avec le collège. Je vais prendre la tête de ma pote pour la tête de Toff. Elle va prendre cher. Ça, c'est bon ça. Une bonne note, c'est bien. Ah, tu lui fais un masque. Ouais. Allez, bienvenue tout le monde. C'est Mickaël No Limit. On est là pour délirer avec vous jusqu'à 2h du mat. L'iPad Air a gagné aussi dans quelques minutes avec la réponse à la colle que vous pouvez retrouver sur le Facebook de l'émission. facebook.com/mickaël officiel. La réponse à la colle d'Anis donc. Et puis on aura Georges. Et on aura surtout le chéri, je peux te faire cocu. Juste après, le son d'Avicii au cœur de la nuit sans pub. C'est Hey Brother sur Fun Radio. Hey Brother. Avicii sur Fun avec Hey Brother. Bienvenue. Please call again. Mickaël. No Limit. Tous les soirs. 23h, 2h. Sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, et on est en direct hein, toutes les nuits. On est là sur Fun Radio. 23h, 2h. Le dimanche de 20h à minuit également. Prévenez vos potes bah, qu'il se passe enfin quelque chose à écouter le soir. Là, ouais. Hein. C'est vrai que ça a été un petit peu néant là pendant pas mal de temps. Bah, on est là maintenant. Hein. 23h, 2h du mat la semaine. 20h, minuit. Tous les dimanches. Et je rappelle que ce week-end, on sera à Montpellier avec vous. Vendredi, on vient. C'est sur l'esplanade du lycée Joffre. On sera là vers 16h pour venir vous chercher à l'école. Et puis surtout, on va vous balancer des cadeaux. Donc voilà, venez nombreux. Ceux qui connaissent pas encore, bah prévenez les potes. Enfin, prévenez les potes de ceux qui connaissent pas, justement. On sera également samedi. On fera un petit Soccer 5. Ce sera aux alentours de 16h30, voilà, c'est ça. Je vous mettrai toutes les infos sur le Facebook, hein, rassurez-vous. Et puis bah dimanche soir, on fait l'émission en direct des studios de Fun Radio Montpellier. C'est sur la place de la Comédie à partir de 20h avec plein de cadeaux aussi, évidemment, à gagner. Donc vous êtes les bienvenus. Bah venez nombreux, voilà, on est là, on sera content de vous rencontrer. On fera des photos, tout le bordel. Vous allez pouvoir voir Sandro. Et en plus, par rapport à ceux de Nancy, quand on y était il y a un mois à Nancy, c'est que depuis les meilleures rumeurs, puisqu'on a été visité, Sandro avant ce week-end. Et donc du coup, bah maintenant, les meilleures rumeurs. On lui a fait une descente à la cave. Exactement. On a visité le musée de la bite. Oui, on l'a nettoyé. Bah je suis refaite là avec vous. Ah bah là elle est complètement refaite. Exactement. Et ouais. Un salopard qui voilà. A couché avec et Sandro. Et autre bonne nouvelle également, mais ça c'est pas forcément pour les Montpelliérains, c'est que le 24 décembre on vous abandonne pas non plus contrairement à toutes les autres radios puisqu'on sera avec vous. Ouais. Et contrairement aux télés qui mettent des best-of ou des émissions enregistrées, nous on sera en direct le 24 décembre pour passer Noël puisque c'est une soirée de famille. Donc on sera là justement pour passer la soirée avec vous. Voilà, et on 24 va bien décembre. Manger. Ouais, je confirme. 24 décembre, on sera en direct sur Fun Radio jusqu'à tard dans la nuit et on va s'échanger des cadeaux, un cadeau pourri que vous avez éventuellement reçu. Et ben vous allez pouvoir les échanger directement avec les nôtres. Voilà, tout simplement. C'est tranquille, parfait. Tranquille. Ouais. Et puis on va parler dans quelques minutes avec Georges qui voulait parler de filles. Donc apparemment, je vois comment trouver la fille idéale. Donc si vous avez des conseils par rapport à ça, n'hésitez pas. Et puis on va parler fringues également. Là, ça, je vais avoir besoin de vous, les filles, hein, puisque je voulais savoir si vous aviez déjà porté des fringues. Si vous avez déjà, rapporté des fringues au magasin après les avoir portées. C'est genre, t'as besoin d'une robe de soirée, tu dis, je vais pas lâcher, ça coûte 500€ ou je sais pas combien. Ah, tu la mets et puis tu caches l'étiquette et puis après, hop, tu la ramènes. Oh, bah écoute, elle est trop grande, elle est trop petite, ça va pas. Je n'aime pas le modèle, ça ne me plaît pas. Mon mec n'aime pas, etc. Non, je vous demandais ça parce que je suis tombé sur le blog d'une fille qui explique qu'en fait, qu'elle n'a jamais payé ses tenues de soirée ou de sortie. Et donc, elle explique qu'elle porte les vêtements une fois et puis elle les rapporte et il faut juste protéger l'étiquette. Mais elle explique que tant que vous avez le ticket, il n'y a pas de souci en général. Hein, on peut reprendre quoi. Mais pas de problème. C'est chaud, t'imagines, t'es en boîte, t'as l'étiquette qui sort. Mais non, mais tu t'arranges. Sur le podium, tu te la racontes. Au pire, tu dis, ouais, au pire, tu peux trouver une excuse. Mais je voulais savoir si vous aviez déjà j'ai oublié ça, de l'enlever. Et puis bon, il y a bien un connard qui va te l'arracher. Voilà. Donc du coup, t'es niqué pour cette soirée-là. Mais voilà. Donc est-ce que vous avez déjà, justement, dites-le nous, est-ce que vous avez déjà acheté des trucs et puis vous les avez portés et puis vous les avez ramenés. Ou alors si vous êtes fait griller, justement, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On va en parler dans quelques minutes sur Fun Radio, puisqu'on est là jusqu'à 2h du mat et c'est le moment que vous attendez tous le lundi puisque nous allons nous allons faire un tour du côté du chéri, je peux te faire cocu et on va accueillir Adriane qui est avec nous maintenant. Bonsoir. Comment ça va? Super, et vous? Bah écoute, plutôt pas mal Adriane, tranquillement, ça se passe. Bon Adriane, on va faire un petit chéri, je peux te faire cocu. Oui. Bah voilà, on va le faire maintenant, on va appeler ton mec, t'as vécu depuis combien de temps? Depuis un mois. Un mois. C'est court quand même, pour faire un cocu. Eh, t'es sûr qu'il va pas t'envoyer la merde? Ça se passe bien entre vous? Bah ouais, tout baigne, ouais. Tout baigne? Bon, d'accord, ok, très bien. On sait jamais, hein, je préfère poser la question. Bon, on y va donc, on va l'appeler. Est-ce qu'il a un défaut physique? Bah non, c'est juste qu'il dit qu'il est immature en fait. Qu'il est immature, mais c'est-à-dire? Bah, qui fait trop gamin. Bon, eh ben écoute, très bien. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc on s'est rencontrés. Où est-ce qu'on aurait pu se rencontrer? Il y a 3 semaines, j'étais à Paris pour un concert et j'ai dormi dans une auberge de jeunesse où il y avait 6 lits. Ah oui, d'accord, ok. Donc on a dormi, donc on s'est rencontrés à ce moment-là. Donc, auberge, je note, de jeunesse, très bien. Et écoute, ok, hein, nickel. Et donc là, comme par hasard, évidemment, j'habite dans tout près de chez toi, quoi. T'es dans quel coin? Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, très bien. Eh ben écoute, on est à Chalon-sur-Saône, alors parfait. Bon, écoute, on va l'appeler, on verra bien, on va voir comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, évidemment, t'as rencontré Michel, ce beau grand fort, magnifique Michel, dans cette auberge de jeunesse. Et comme d'habitude, et comme le veut le principe du chéri, je peux te faire cocu, je t'ai proposé de coucher avec toi juste un soir. Et puis, voilà quoi, toi tu demandes simplement l'autorisation à ton mec qui t'appelle donc Jérémy, c'est ça? Ok. Bon, allez, c'est parti, on y va, on l'appelle, bonne chance. Il est plutôt du style à s'énerver ou pas? Un peu, ouais. Bon, très bien. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle, bonne chance. Allô? Salut bébé. Ça va mon cœur? Oui, et toi? Ouais, non. Ah, déjà, j'entends. Oui, tranquille. Comment? Ouais, je voulais te demander un truc. Ouais, vas-y, annonce. Comment tu te souviens, il y a 3 semaines, j'avais été à Paris pour un concert. Ton groupe de rock. Ouais. Comment? Je t'avais dit, j'avais dormi dans une auberge de jeunesse. Ouais. Ouais. Et puis ce jour-là, comment? Qu'est-ce que tu vas me dire, toi? Qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai rencontré quelqu'un, en fait, ce jour-là. Ouais. Et on a sympathisé plutôt en fait. Là je suis chez lui en fait. Ouais, et tu fais quoi chez lui?

s'énerver pour si peu. Attends, tu veux plaiser ma meuf et puis ça serait une faute de ma part de m'énerver, quoi. Un peu, ouais, je trouve. Ouais. Bah, donne-moi ma meuf, dépêche-toi. Ouais. Donne-moi ma femme. Adriane. Oui. Bon, tiens, je te dépêche-toi. Oui. Oui, allô. Non mais toi, non mais franchement, t'es quoi, t'es une salope. Franchement, t'es une salope. Je vais pas dire une pute parce qu'une pute encore, ça se fait payer, tu vois. Bon, Adriane, dis-lui avant qu'il t'assume de tous les noms là. Ah, oui. Ouais, fait, non mais il commence à en avoir le bol là. Franchement, oui. Oui. Et t'énerve pas, on est en direct sur Fun Radio. Mais oui. Mais non, mais n'importe quoi, vas-y, si, t'as si. Ah si, tu es. C'est ça non, qui est bon. Mais si. Oh, c'est énervement. Si. C'est énervement gratuit, là. Je suis un bourguignon, je suis un ouf dans ma tête. Ah, t'as vu un peu, moi, je suis rebelle. Bon, c'est Mickaël, Jérém, là, t'es sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limites, c'est le chéri, je peux te faire cocu. Non, c'est vrai. Mais ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Oh là. Ah non, mais là, je reviens à toi, quoi. Franchement, ah bah non, mais moi non plus. C'est-à-dire que je me suis jamais fait autant insulter. Hein. Et putain, j'en ai fait des chéris, je peux te faire cocu. Comme ça, tu sais ce que c'est un peu. Ah ouais. Là, putain, j'en ai pris cher. Waouh, d'une violence quand ouais, même. Je sais pas, ouais. Bon, bah écoute, bravo à toi en tout cas. Jérém, on va te filer. Alors, t'as le choix entre deux trucs. Excuse-toi, Jérém. Ah bah déjà, tu peux m'excuser. Ouais, bah, excuse-moi, ouais. Ah, c'est pas voilà. Oh le bouffon, il s'est excusé. Oh le bouffon. Bon, alors j'ai le choix. Enfin, t'as le choix plutôt, Jérém. Soit j'ai des casques focales, casque DJ machin. Soit j'ai des montres Sony Smartwatch 2 qui sont compatibles avec le smartphone pour recevoir les notifications, tout le bordel. Allô. Attends, réessaye un coup pour voir. Ouais, Jérém. Ah non, mais il est plus là. Adriane ? Oui. Ah bon, bah écoute, tu vas choisir pour lui parce que ça a coupé chez lui. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, tu veux le casque focal DJ ou tu veux la montre Sony Smartwatch 2 ? Il est tombé dans les pommes. Peut-être. Bah, j'ai pas. De quoi ? J'ai pas d'iPhone, moi. Donc, non, mais c'est pas compatible avec les iPhones. Ça tombe bien, c'est un casque smartphone, pardon. Moi. Bon, bah c'est pas grave, alors je te file le casque. Ouais. Ah bah très bien, bah écoute, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, je te la repasse maintenant. Et puis on va essayer de rappeler Jérém quand même aux antennes pour être sûr qu'il soit pas décédé. Hein. Jamais, ça roule. Bon bah gros bisous en tout cas. Bisous, je t'embrasse. Bisous, salut. Bon, et si vous voulez vous aussi faire un petit chéri, je peux te faire cocu, n'hésitez pas, il y a plein de messages qui sont arrivés là. DJ Roms qui dit t'es une grosse salope. Olivier qui dit salut la team, j'ai chopé un putain de rhume, c'est l'horreur. Heureusement que vous êtes là pour me remonter le moral. Ah oui, putain, en parlant de ça, j'en ai chopé aussi un rhume il y a 3 semaines. Et en fait, ça s'est transformé. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais, si vous voulez, la semaine dernière, jeudi, j'avais la tête, j'avais l'impression d'avoir un casque sur la tête. Bah, j'en ai un, mais je veux dire, vraiment complètement. Tu sais, même quand j'enlève mon casque de la radio, j'ai l'impression d'avoir un espèce de voile comme ça, c'était une horreur. Donc, j'ai été voir un ORL qui m'a envoyé faire un scanner, enfin bref, ils m'ont foutu la tête dans un truc bizarre, une espèce de tuyau, de tube là. Ouais, c'est ça. Et donc je vais voir le médecin aujourd'hui et il me dit bon, c'est une sinusite que vous avez, mais elle est bien coriace. Hein. Je fais ah bon, alors il y a quoi? Et donc quand il regarde le scanner, il me dit ah ouais, effectivement là, elle est pas mal. Hein. Bah vous voyez tout le blanc là, normalement ça devrait être noir. Ah bon? Ah. Je dis d'accord, ok. Et alors du coup, je dis c'est quoi? Oh bah c'est du pu. Ah bon, rien de grave. Voilà, donc en fait j'ai une tête de pu aujourd'hui. Ah, pas pour moi. Voilà, donc tête pour l'instant pu. Mais rassurez-vous, j'ai des cachetons hein, donc normalement je devrais pas avoir ma tête depuis longtemps, mais pour l'instant j'en ai. Il y a bon courage à toi Olivier. Il y a message aussi Mickaël, c'était énorme quand même. Le chéri, je peux te faire cocu. The Gogo 48-45 qui dit j'adore le chéri, je peux te faire cocu. Le prince qui dit il était parfait celui-là. Pauvre Mickaël, comment tu te fais insulter, c'est dames. Ouais bah ouais, je sais bien. Et Sylvie qui dit aussi mort de rire, t'as été au top Mickaël, un peu loin, il y a cru au point qu'il avait raccroché, mais trop drôle. Mums aussi qui dit tu as poussé peut-être le bouchon un peu loin, mais non, Moms et Marissou, donne-moi ma femme, trop cute. Et alors Sarah qui dit oh merde, comment il insulte sa meuf complètement. Ah oui. Et Elliot, wesh ma gueule, tu peux même pas test, mort de rire. Ah bah bien ou bien? Ouais, bien. Bien ou bien? Ouais, bien. Bon, et Davers 45 qui dit le gros nerveux, il peut se calmer, mort de rire. Mickaël, t'es un ouf, le type est en panique, à coup sûr, trop délire, il va se pisser dessus bientôt. Et Let's Be Freeze qui dit une tête de pu. Bah oui, écoute, c'est comme ça, c'est la maladie, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça arrive. Bon, on va récupérer Georges qui voulait parler des filles, on va récupérer aussi des filles, hein. J'ai besoin de vos avis, mesdemoiselles. Est-ce que vous avez déjà fait le test d'acheter quelque chose en boutique, un fringue par exemple, de le mettre ou de mettre la robe, enfin peu importe, pour une soirée, un anniversaire, un mariage, n'importe quoi, et après le ramener. Voilà, donc dites-nous comment ça s'est passé, si vous l'avez déjà fait, est-ce que vous vous êtes fait griller ou pas, venez nous en parler. 01 42 48 5000, on est au cœur de la nuit, sans pub, sur Fun Radio, contrairement aux autres, on est pépère, on se fait pas chier que des pubs servent à rien la nuit, on est là avec vous, avec le son d'Ence Floor de Fun, et avec notamment le son de Michael Moore, maintenant qu'on écoute tout de suite, avec White Walls. I wanna be free. I wanna just live. Michael Moore plus pour l'instant avec White Walls sur Fun Radio, 1 minute 35, bienvenue. Mickaël, nos limites sur Fun Radio. Yes. Et on est en direct, hein, si vous voulez parler, délirer avec nous, vous n'hésitez pas. Hein. On est là, il y a Angela qui dit Mickaël, sa tête de pute, off et sa mocheté et sa puanteur surhumaine. Mais qui est le prochain? Bah je sais pas. DJ Roms qui dit ça devrait être Toff la tête de pute. Bah ouais, mais bon, après ça arrive, hein. Moi c'est à cause de la sulite. Teddy Kilio qui est bête, mort de rire. Angelina qui dit le mec, il veut vraiment sa femme et c'est bien. Ouais, c'est clair qu'il y tenait. Hein. Maxime, mort de rire, le chéri, je peux te faire cocu, je te coupe les couilles ou c'est quoi? Ou je le ta mère et je vais la reconnaître. Mort de rire, le mec trop bon, je deviendrai ouf. Bah tu m'étonnes. Émilie aussi, Émilie Filou qui dit je voulais vous dire que vous êtes géniaux, je vous aime, j'aimerais un message de bienvenue, merci à toute l'équipe d'avance. Bise, j'espère que je pourrai passer à la radio en compagnie de vous. Bah écoute, avec grand plaisir, un petit message de bienvenue, bah sans problème. Tu sors de queue. Voilà, je suis là aussi. Ferme ta gueule, je t'en mets un branleur. Voilà. Et Léa également, 24 décembre, Mickaël en direct, le top. Ouais, on va bien se marrer, hein. Soirée de Noël en famille justement. Je vous ai demandé aussi en début d'émission qui vous préfériez dans l'équipe, me faire un petit top 4 on va faire un top tutos aussi d'ailleurs en parlant de top, un petit top 4 des gens que vous préférez dans l'équipe. Il y a Polo, il y a Toff, Sandro et moi. Eric qui dit Polo en 1, Sandro en 2, Mickaël en 3, Toff en 4. Merci Eric. Ah ben voilà, première fois que Polo termine, enfin finit en commence en première position. Ouais. Merci Eric. Alexis, dédicace à moi hamster qui s'appelle Toff depuis aujourd'hui. Oh le hamster, oh, c'est Toff. Mignon. Le pauvre déjà il a pas de vie. Hein. Dès le début déjà il y a une vie de merde. Oh, ouais. Qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Connard bon. Hamster va. Ah bah complètement ouais. Complètement. Bon la colle également, on est un peu à la bourre. Dans 5 minutes promis on donne la réponse. Alors Anis, profites-en, il reste 5 minutes. Refais péter la colle une toute dernière fois pour gagner l'iPad Air. Ouais, donc c'est parti. Je traverse tout Paris sans sortir de mon lit. Qui suis-je? Je traverse tout Paris sans sortir de mon lit. Qui suis-je? Faut envoyer M.I.K.L. suivi de votre réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M.I.K.L. Et puis bah, jouez maintenant, hein. Vu l'heure qu'il est, forcément, il y en a beaucoup qui sont en train de roupiller là. Donc bah, vous avez l'occasion de repartir avec votre iPad Air, c'est quand même plutôt cool. Bon, on proposait un stylo. Non, c'est pas un stylo. Attends, je vais te proposer les autres dès que Toff m'aura remis de l'ordre dans mes messages. Florian qui proposait une étoile filante. Non, il y a Raphaël qui dit coucou pour la colle, Google Maps. Non. Ça aurait pu être. Ouais, on proposait un nuage. Non. Ou le vent même. Pas ça non plus. Bon, bah tant pis, voilà. Donc il vous reste 5 minutes montre en main maintenant, promis. Je vous appelle dans moins de 5 minutes. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnerez peut-être l'iPad Air. Donc on vous offre toute la semaine dans la colle sur Fun Radio. Anis, tu restes avec nous. On va reprendre Georges pour voir aussi ce qu'il voulait, évidemment. Hein. Georges, et puis on devrait également avoir... Est-ce que tu connais Anis? T'écoutes depuis 2 semaines, mais est-ce que tu connais un grand chanteur que nous avons souvent au téléphone? Non. Celui qui chante ça. Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le grand lapin blanc veut me mordiller les merveilles. Ma grand... Voilà, tu connais ou pas ce grand chanteur, non? Non, je connais pas du tout. Jean-Pierre Sauzet. C'est ouf. Oh, bah oui, on va essayer de l'avoir au téléphone avant la fin de l'émission, donc restez bien là. Pour les fans, car vous êtes nombreux à être fans de Jean-Pierre Sauzet, ça se voit sur sa page sur Facebook, comme il dit. Sur Facebook, sur Twitter également et sur MySpace. Vous pouvez bien sûr être fan de Jean-Pierre Sauzet. Et apparemment, on aurait des nouvelles bientôt, le morceau de Jean-Pierre Sauzet avec Jean-Pierre une Wonderland, hein, au pays des merveilles. Je sais pas pourquoi il a mis ça en anglais, parce qu'il n'y a rien en anglais dans la chanson, mais bientôt sur iTunes. Ah bah alors c'est bientôt sur iTunes. Voilà, c'est donc la bonne nouvelle de la journée. Bon Georges, qui est avec nous là de Seine-Saint-Denis, alors Georges, toujours là? Oui. Bah toujours autant de patates qu'avant, hein. Pourtant on a fait tout ce qu'on pouvait, on a fait le chéri je peux te faire cocu. On a parlé, on a mis le son de Michael Moore et on a mis Jean-Pierre Sauzet et malgré tout, toujours pas de patates. Je pense qu'il faut l'électrocuter. Bah peut-être. Petite électrocution, je pense que ça peut le remettre d'équerre. Ouais, ce serait bien. Ou alors Georges, tu mets un coup de guitare électrique dans la gueule. Oui. Hein, attends. Georges, ça t'a réveillé ou pas? Non. Oui. Ah bah non, vraiment, toujours aussi mou, hein, c'est écoute, impossible. Écoute, attends, je te mets... enlève ton t-shirt. Enlève-le. Georges. C'est fait, t'as enlevé ton t-shirt? Bon très bien, attends je te mets une petite électrode là, bouge pas, parce que tu m'inquiètes. Voilà. Je t'écoute, c'est juste pour vérifier. C'est juste pour être sûr qu'il n'y ait pas un bip continuel et qu'on te perde en plein milieu. Bon, alors vas-y Georges. Ouais, ça serait pour mes conseils drague. Des conseils drague. Ouais. C'est bon. Bon pour mais tu veux pas des conseils pêche avant? Non. Bon, qu'est-ce qui va pas avec le conseil drague là? Qu'est-ce qui va pas? Je suis timide. Ah, t'es timide? Ouais. Il faut pas être timide, regardons, on est timide. Ouais, tu sais quoi, même moi je suis timide, hein, c'est vrai, hein, ça s'entend pas comme ça à la radio, ouais. Mais c'est vrai, hein, pour le coup, même moi ça s'entend pas. Et ça c'est pas remarqué non plus à Starfleur, je dis pas le contraire, j'ai pas de problème devant beaucoup de gens, mais quand j'ai une meuf qui me plaît par exemple, c'est vrai que j'ai peut-être pas forcément facile à y aller, quoi, tu vois. J'y vais pas franco de port. Ouais. Voilà. Et toi, c'est le même problème? Je surveille le cœur. Oui. Non, mais vérifie l'écran, on sait jamais. Hein. Il faut que... Si la ligne est horizontale, on est mort. Enfin, lui en l'occurrence. Mais donc, on vérifie, t'inquiète. Hein. J'espère qu'il faudra pas l'entuber. Bah, j'espère. L'intuber. L'intuber. Ah oui, l'intuber, pardon. Je peux le mettre dans le cul. C'est vraiment un porc. Bon. Pardon, je suis des déformations professionnelles. Bon, Georges. Oui. Bon, jusque-là, on est en direct de l'hôpital avec Georges, il faut le savoir, et il a fait un petit arrêt cardiaque, et donc du coup, il est un petit peu. Il va pas bien, donc du coup, on a mis la machine, on a mis l'appareil. Bon, alors Georges. Oui. Bon, dis-nous, t'es timide, mais donne-nous un exemple. Qu'est-ce que t'as déjà fait ou t'as été timide, t'étais inquiet, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ose pas aller voir mes filles. D'accord, c'est mieux, mais pourquoi? T'as peur de quoi? Qu'elles m'envoient balader. Mais non. Pourquoi est-ce qu'elle t'enverrait balader? Je sais pas. Bah, je sais pas moi, il y a pas de raison qu'elle t'envoie balader. Ben oui. Tu leur dis quoi? Qu'est-ce que tu fais quand tu vas... Attends. Non, attends une seconde, calme-toi. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Tu sors de queue. Doucement. Bon, alors, on va essayer de trouver une solution, mais comment tu fais déjà quand t'as une meuf qui te plaît pour aller la draguer? Tu fais comment? Mettez-lui 500 grammes d'adrénaline. J'apprends à la connaître. T'apprends à la connaître. Ouais, non, d'accord, mais je veux dire, tu fais comment quand tu vois une fille qui te plaît? Tu qu'est-ce que tu fais? Tu fais le premier pas? Si oui, qu'est-ce que tu dis? Mais est-ce qu'il a la force de faire un pas déjà? Oui. Non. Hein? Georges? Non. Non. Donc tu fais pas le premier pas. Mais alors comment tu peux avoir peur que la meuf t'envoie balader si tu fais pas le premier pas? Parce que je connais des filles, elles m'ont déjà engueulé. Elle t'a engueulé, mais pour, comment ça elle t'a engueulé? C'est-à-dire. Salope! Non mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit va, casse-toi. Ah oui, c'est méchant, bouh. Ouais, mais parce que en fait tu fais un peu sadique. Mais non, mais c'est parce qu'il est timide. Quand là. Tu dis ouais, mais t'es moi en relation avec des filles, à mon avis, tu leur fais peur. Non, mais tout le monde se prend des râteaux. Attends, j'en ai pris des milliers, top. Non mais 200... d'accord. Oh, des 200 milliards, bah, 200 mais ça t'empêche exactement, pas d'y retourner. Ouais. Hein. Ben, moi jamais. Ouais. Ah ouais, non, mais bah, bien sûr. Moi c'est encore meilleur. Bon, plus alors. Râteau, j'y vais. Georges. On va demander aux filles s'il y en a qui peuvent venir donner un coup de main éventuellement par rapport à Georges, lui donner quelques conseils. Mesdemoiselles, comment est-ce que vous aimez vous faire draguer quand un mec est timide? Alors je sais qu'il y en a qui vont dire oh mais c'est mignon. Bon après il y a mignon et il y a timide et il y a très timide. Et il y a d'autres tenses. Voilà, donc j'attends vos appels 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Venez donner des conseils justement à Georges. Mais faut surtout pas montrer trop que t'es en chien quoi. Parce non, que bah là quand sûr, il parle ça se ressent. Ah oui c'est clair. C'est ça le truc. Bien sûr, bien sûr. Sinon je voulais savoir dans le 93 il y a pénurie de quoi en ce moment? Pourquoi? Non je sais pas, comme ça. Non parce qu'on a l'impression qu'il est en manque là. Ah ouais non bah vite fait mais non ça va encore. Ah Georges. Attends, je vérifie quand même que. Ouais. Ça va, l'assistance respiratoire toujours là. Tout va bien. Tout va bien. Bon Georges, on te récupère. C'est impossible. On te récupère dans quelques minutes, d'accord Georges? Ok. Parfait. J'ai l'impression qu'on sait quand il est en direct d'un autre endroit, donc du coup, oui, c'est ça. C'est comme dans les reportages à la télé ou au journal. Et nous avons notre envoyé spécial à New York. Bon, vous êtes là, Marie-Thérèse? Oui, tout à fait, effectivement, l'attentat, enfin tu vois. Il y a Gilbert qui dit il est timide, maladif, là, qui prennent confiance. Il y a Angelina qui dit le pauvre, il est en stress total. Mais non, pourtant, attends, on le met bien là quand même, Angelina. Le prince, Nidia qui dit Georges, ne nous quitte pas maintenant, attends, tu es fini de passer l'antenne. Kevin qui dit ça fait plaisir de vous écouter le soir, on se sent moins seul le jour de son anniversaire. Ah, oh, ton anniversaire aussi, toi, dis donc. Bah attends, la musique d'anniversaire, alors tu l'as bien mérité, évidemment. Voilà, on va démarrer un peu en speed là. Voilà, bon anniversaire. Et Clem qui dit il a pas l'air aider le pauvre là avec cette mollesse. Ah bah ça c'est sûr hein. Et Félicia qui dit le pauvre, s'il parle comme ça la meuf elle prend peur la fille, ça c'est clair. Et Angelina qui dit à 24 décembre en votre compagnie au ski avec en plus une de mes meilleures potes. trop trop good. Ah bah plutôt cool, effectivement. Et bon, Gilbert aussi qui dit Mickaël 1, Toff 2, Sandro 3, Polo 4. Et Elliot qui dit il a une patate d'enfer. Ah ouais, un truc de malade. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Continuez avec vos messages. Hashtag et Mickaël. On va faire un top tweetos dans quelques minutes. Mais avant ça, on fait un petit appel, Toff. Mais allons-y, avec plaisir. Allez, je rappelle que donc dorénavant, si vous allez voir des putes, il faudra payer 1 500 € si vous vous faites gauler par les flics. Oui. Voilà, c'est l'amende. Donc c'est du coup, bah, on appelle des gens afin de les prévenir déjà. Hein. Bah oui, il faut, faut que les gens soient au courant. Bah oui, c'est ça. Donc on appelle. On avait déjà voir s'ils y vont. On avait déjà appelé tout à l'heure. On est tombé sur ces charmantes personnes. Yeah, je vais t'enculer, moi, t'as l'air, bâtard. Voilà, il avait dit ça aussi. Tu suces tes morts. Tu suces tes morts ou encore. Et toi, t'es enculé, moi. Voilà, donc très charmant dans l'absolu. Hein. Je rappelle que vous avez été nombreux à nous donner vos numéros de téléphone, enfin des numéros de gens encore debout à cette heure-ci qui sont plutôt du style assez nerveux. Donc continuez, hein, toph@funradio.fr si vous connaissez des gens encore debout à cet art. On les appelle en direct sur Fun Radio. Bon, t'es prêt, Toff, on en appelle encore un ? Allons-y. Allez, on écoutera Stromae juste après. Ouais. Attends une seconde. Qu'est-ce que ce bordel ? Attends une seconde, j'ai fait de la merde. Attends une seconde. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Attends. Voilà, parfait. Allô ? Oui, bonsoir. C'est qui ? Oui, moi c'est Toff. Ouais. Et je voulais savoir si votre mari était déjà allé aux putes. Pardon ? Je dis, je voulais savoir si votre mari était déjà allé aux putes. Et tu veux que je t'aide ? Bah oui, c'est pour ça que je vous appelle en fait. D'accord, mais c'est quoi ton souci ? Bah je veux juste savoir si votre mari est déjà allé aux putes. Déjà, écoute-moi bien, j'ai pas de mari, elle est aux putes, je peux te le garder pour toi, tu seras mignon. Non mais tu es un grand malade, va plus faire soigner, va. Mais pourquoi vous me dites ça ? Bah je vais faire enculer, bah raccroche parce que je vais le tuer. Ah sympa. Mais oui. Sympa, sympa. Bon allez hop, on rappelle on va la rappeler, elle est sympa dans le sud. Ah ouais, bon, allez hop, ouais. C'est reparti, on y retourne, nickel. Allez. Allô ? Oui, bonsoir, c'est vous qui criez derrière ? Oh putain. Connard. C'est pas la peine de m'insulter, hein. Vous pouvez juste répondre à la question. Sa mère, non mais vas-y parce que là je me fais. Non. Non, c'est un inconnu. Non, bien sûr, il appelle un inconnu parce que c'est un gros PD. Hein. Même pas de couilles pour appeler avec son numéro. Mais je peux vous le donner si vous voulez. Vas-y. Alors 01. Appelle avec ton numéro. Bah je peux pas parce que c'est bloqué, mais je peux vous donner le numéro. Ah vous... bien sûr, c'est bloqué, moi aussi je suis bloqué. Bah c'est embêtant, je sais, mais c'est comme ça. Ce que j'appelle avec le fixe, et du coup sur le fixe, c'est bloqué. Mais non, j'oserais pas, madame, enfin, pourquoi vous dites ça ? Moi, je veux bien vous donner mon numéro, c'est vous qui voulez pas le prendre. Mais pas du tout. Moi, je veux juste savoir si votre mari, il est déjà allé aux putes, c'est tout. J'y vais toutes les 20 minutes aux putes. Ah, bah voilà. Et ta mère aussi, non ? Raccroché, dommage. Bon, on en appellera d'autres encore tout à l'heure. Restez avec nous, la minuit 48 sur Fun Radio. Il y a un petit message aussi de Lesbiflix. Il dit classement tous premiers. Ah bah non, on n'est pas à l'école des fans ici, oh. Lesbiflix. Hein. Miguel qui dit on s'enjaille ce soir avec Mickaël, ma gueule, et JB Del Franco qui dit Toff, Mickaël, Sandro et Polo dans le classement. Je vous adore tous les quatre, je peux pas vous classer. Et Clem qui dit moi je mets tout le monde premier sauf Toff. Bah oui, évidemment, hein, merci. Ça tombe sous le sens. Bon, allez, continuez, hashtag et Mickaël. Et puis bah, on va faire le gagnant maintenant là avec Anis. Là, je l'avais promis. Hein. C'est parti, Anis. Ouais. T'es là ? Ouais. Le gagnant de la colle, on y va et on fera le top tweeto juste après. Donc je rappelle qu'Anis a posé une question tout à l'heure, une colle, pour gagner un iPad Air. On appelle donc maintenant le gagnant ou la gagnante. Si la personne qu'on appelle maintenant eh bien, a la bonne réponse à ta colle, Anis, c'est cette personne qui gagne. Sinon, c'est toi qui gagne, Anis, d'accord ? Ouais. Et si ça ne décroche pas, c'est pareil, tu gagnes aussi. On y va. J'espère bien. Bah j'imagine. En même temps, vu l'heure, là, t'as des chances que ça ne décroche pas, cela dit, hein, minuit 48, 9 même. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle James. Et comment ? James. James ? Oui. James, très bien, James. C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, il y a Anis qui a une colle à te poser. Oui. Alors, vas-y, Anis. Ouais, donc, je traverse tout Paris sans sortir de mon lit. Qui suis-je ? Je dirais la Seine. Ouais. Et ouais. Eh ben voilà, bravo James. L'iPad Air que tu viens de niquer sous le pif d'Anis. Eh ben voilà, c'est comme ça, bah, très bien, bah, bravo James. iPad Air pour toi, t'as trouvé la bonne réponse, félicitations. Et puis t'as trouvé, tu t'es inscrit par où, SMS ou Facebook ? SMS. SMS, d'accord, ok. Eh ben voilà, bah bravo à toi. Et puis bah bravo aux autres aussi, hein. Rassurez-vous, on remet le jeu demain avec la colle, toujours avec un iPad Air. Vous allez pouvoir toujours jouer sur Facebook, sur les SMS également, sans problème. Bon bah bravo James, tu restes au standard. On va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer l'iPad Air rapidos. D'accord. Salut à toi, à bientôt James. Ah, putain. Salut, salut. Bon, merci. Anis, putain, je suis déçu. Ouais, y a pas de, pas de soucis, de toute façon, c'était un plaisir. Bah écoute, nous aussi, on était contents de t'avoir avec nous. Et puis, bah, tu rejoues avec nous quand tu veux. Tu vas rester au standard, on va quand même te filer un pack fun. Ça va, merci. D'accord. Bon, salut à toi, à bientôt. Hein. Salut. T'as une, t'as une copine ou pas? Non. Ah, sinon, on aura pu te filer un sextoy, mais bon. Dommage. Mais tu vois pas ce que tu, pas ce que tu vas en faire, quoi. Ouais. Oh, moi j'ai bien des idées, mais après. Oui, bah voilà, mais bon. Bon, bah très bien. Bah, on n'a pas les mêmes. Bon, bah tant pis. Bon, bah salut Alice en tout cas. Merci du coup, t'es fun. À bientôt. Hein. Salut, salut. Merci. Bon, et puis en parlant de sextoy, je rappelle que pour le numéro 5 du Top Twittos, hein, c'est un classement qu'on fait tous les soirs sur Fun Radio. Donc on vérifie les auditeurs les plus influents avec le hashtag Mickaël sur le Twitter. Et donc, bah, il y a un top 5 forcément. Et le 5ème ce soir, celui qui est numéro 5, repart avec un sextoy offert par. Passagedudésir.fr. Allez, on y va. Quel est le numéro 4? On mettra le 5ème. Alors, Cédric. Numéro 3. Teddy. Numéro 2. Le Prince Nadia. Numéro 1. Let's be free. Voilà, donc il faut faire moins de tweets, cela, pour être numéro 5. Et quel est le numéro 5 si jamais on devait arrêter le top les maintenant comptes. C'est Megumi. C'est Megumi qui repartira. Oui. Ah bah ça lui ferait plaisir, je pense. Hein. Oh bah. Une fois où elle parle de cul, Megumi, je pense qu'avoir un petit sextoy. Ah, ça se fera du bien. Ah, elle se le mettrait bien. Hein. Elle le mettrait dans le nem. Ah bah probablement, c'est drôle ça. Voilà. On lui enverra un bien gros. Allez, continuez. Hashtag Mickaël sur le Twitter, n'hésitez pas. Et puis ajoutez-moi également hein, si c'est pas encore fait. Si vous êtes sur Twitter, vous tapez Mickaël _, c'est le petit tir en bas. Mickaël _ officiel. Si vous m'ajoutez, je vous suivrai également avec grand plaisir. Allez, bienvenue, c'est la nuit. On est là en direct sur Fun Radio avec un petit son belge. Tiens, c'est Stromae qu'on écoute tout de suite. C'est Tous les Mêmes sur Fun Radio. Bonne nuit. Tous les hommes et tous les mêmes. Il y a Vanessa qui a envoyé un message, kiffe le son que vous passez en ce moment, bah c'est Stromae avec Tous les Mêmes. Évidemment rapport à Toff hein, par rapport au trou du cul hein, bien entendu. Bien sûr. Ça tombe sous le sens évidemment. Tiens, j'ai reçu un message qui dit putain pourquoi vous avez raccroché, vous êtes tombé sur le numéro que je vous avais envoyé, le mec il avait un répondeur complètement hallucinant. Oui je sais mais en fait c'est parce que je pensais que c'était une merde dans le numéro, donc du coup on avait raccroché, j'avais appelé un autre pour les appels de Toff. Mais du coup on a remis le numéro donc on va rappeler, ah. Évidemment. Bah oui. Puisqu'en plus apparemment le répondeur a l'air d'être drôle. Pour le coup, it's my mistake. Voilà, c'est ma faute. You're welcome. Car je suis bilingual, comme yes, vous pouvez le remarquer. Bon, du coup, on rappelle, et toujours le même principe, bien entendu, hein, puisque bah, 1 500 € d'amende si vous allez voir des prostituées maintenant. Hein. Oui, voilà. C'est trop cher, c'est trop cher. Ouais, bah, c'est scandaleux, surtout qu'il faut payer la passe en plus. Bah, c'est ça, c'est l'inflation, c'est l'inflation. C'est pas all-in, quoi. Donc du coup, c'est parti, on y va, on rappelle chez le pote là qui avait envoyé le numéro de téléphone, c'est parti. Ouais, je sais, ça sonne. C'est ouf. Je vais décrocher, frère. Mais cool, quoi. Ah ouais, mais il est où, ce tel? Et là, il met de la musique. Lui, met ça. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà allé aux putes. Pardon? Oui. Oui, vous y êtes déjà allé? Oui, sûr. D'accord. Bah, et donc, du coup, vous êtes contre, vous, l'amende de 1 500 €? Ah, bien sûr que non. Je la paye, avec plaisir. Ah, donc vous, vous êtes prêt à payer 1 500 € pour aller aux putes? Ah bah oui, hein, il faut. D'accord. Ah bah très bien, monsieur. Bah parfait. Bah je vous remercie. Mais de rien, bonne soirée à vous. Oui, vous aussi, monsieur. Au revoir. Oui, c'est bien sur la radio. Pas du tout. Ah non, bah tant pis alors. Voilà. Allez, une bonne soirée. Ah bah voilà, ouais, il a répondu, hein. Oui. Victime de notre succès. Je pense qu'il m'a un peu reconnu aussi, mais... Je ne pense pas, moi, je ne crois pas. Non, moi j'ai une impression, mais après... Il a dit au hasard, je pense, oui. Tout simplement, voilà, tout simplement. Bon, on va récupérer, on va prendre Dalia maintenant, et puis on aura des conseils aussi par rapport à la drague avec Georges, là, qui était en galère. On aura Émilie, on aura Perrine qui voulait réagir, et Dalia avec nous deux, trois. Bonsoir Dalia. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, et vous? Bah bien, bien, tranquillement, Dalia, tout à la cool. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu fais le 24 décembre, Dalia? Bah, je suis avec ma fille. Ah d'accord, ok, tout seul avec ta fille? Non, et ma mère. D'accord, ok, très bien. Bon bah pour les autres, on sera en direct hein, 20h, 20h et plus. On sera là en direct pour le réveillon de Noël. On passera Noël avec vous. Donc tu nous mettras la radio hein, comme ça on passe la soirée avec vous aussi Dalia hein, au fond. Bah oui, pourquoi pas. Ah bah j'espère hein, quand même. Bah oui, attends qu'on soit pas là pour rien quoi. Et oui, je viendrai avec mes grosses boules. Ouais, super, merci, bah, voilà le cadeau, tiens. Bon, alors Dalia, t'appelles de 3 toi. Et Dalia, on t'écoute. Ah oui, tu voulais réagir aux étiquettes. Oui. Oui, parce qu'on est, on en avait parlé, tiens, pour voir si vous aviez déjà fait le coup de prendre d'aller acheter un vêtement, en fait, tout simplement, ou des chaussures, ou un sac, enfin, peu importe. Et donc, du coup, bah, l'utiliser que pour une soirée, pour un mariage, ou un bal, ou enfin, bref, n'importe quoi. Et du coup, d'aller le ramener, justement, et comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous êtes fait gauler ou pas? Alors, comment ça se passe chez toi, Dalia? Bah, moi, en fait, ça m'est arrivé en boîte. Je me suis fait gauler par un pote. Quoi, il a vu l'étiquette? Ah, c'est le pote? Il a vu l'étiquette. Oui, ah, c'est le pote bon, qui a trouvé l'étiquette. Bah, c'est moins grave que si c'était la boutique hein, qui t'avait grillé. Oui, c'est moins grave, mais après, quand on a un peu bio, c'est bien affiché aussi. Tu m'étonnes, mais t'avais loué quoi? Pourquoi tu voulais le ramener? Pourquoi t'avais pas enlevé l'étiquette? Bah, parce que je voulais juste l'essayer, en fait, voir en soirée comment ça faisait, et en fait, bah, il me plaisait pas. Donc, heureusement que je voulais pas enlever l'étiquette, mais du coup, bah, j'ai été obligée de le garder. Ah merde, ouais, parce que le pote a arraché l'étiquette et m'a affiché dans toute la boîte. Bon, après, si je peux vous donner un conseil, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez vous débarrasser de l'étiquette, vous voyez, l'étiquette en général, elle est attachée sur un espèce de petit bout de plastique qui se met dans la tirette ou enfin bon, un petit truc en plastique qui doit faire 2-3 cm, une connerie comme ça. Alors, si vous voulez, donc, vous coupez le truc en deux, donc l'étiquette, le petit fil gris là, petit truc en plastique gris, vous le coupez en deux. Pépère, hein, vous enlevez tout le merdier. Quand vous voulez le remettre, vous, bah, du coup, avec la partie où il n'y a pas l'étiquette, bah, vous la remettez dans le t-shirt ou dans le vêtement. Ouais. Vous mettez l'autre côté et là, vous mettez très légèrement un petit peu de chaleur autour pour que ça fonde, mais tout légèrement. Parce que les mecs, ils vont pas aller vérifier si le truc il est nickel ou il est pas nickel. Ils vont voir ça tient et puis ils se barrent, quoi, tu vois. Et après, et quand bien même le gars dirait, dis donc, c'est quoi? Mais bah, attendez, vous êtes sérieux? Moi, je vous ai acheté ça hier. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec? Tu sais, tu joues mauvaise foi. De toute façon, quand vous essayez d'escroquer quelqu'un, toujours mauvaise foi. Enfin, quand vous montez à quelqu'un, toujours la mauvaise foi. Même si vous êtes vous êtes en train de tromper votre copain ou votre copine. Et ça, je prends ça d'un ami webmaster à l'époque. Qui est devenu ours maintenant, un gros. Qui est devenu ours. Voilà. Donc, même si vous êtes en train de tromper votre copine, que vous êtes dans une autre meuf, si votre copine arrive, ouvre la porte, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Mais quoi? Je comprends pas. Mais t'es en train de me tromper. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Mais t'es en train de faire l'amour à une autre. Mais pas du tout. Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc voilà, mauvaise foi jusqu'au bout. Parfois, toujours. Ça peut payer. Ça en tout cas, chez lui, ça a déjà payé, donc c'est pour vous dire que ça peut marcher. Donc, non, mais c'est vrai. Donc voilà, donc jouer la mauvaise foi jusqu'au bout. Donc tu vois, Dalia, t'aurais pu couper l'étiquette et puis la recoller en speed, tu vois, avec un petit briquet ou une allumette, mais très très légèrement. Faut pas que le. Bah, il faut y penser aussi, hein. Ben c'est pour ça. Ouais, mais ça c'est, tu sais, il y en a qui se sont fait une spécialité de ça. Hein. Voilà, moi j'adore. Moi j'adore niquer les règles. Ça me fait marrer. Parfois ça sert à rien, hein, mais juste pour le principe d'avoir réussi, quoi. C'est une limite. Ouais, mais c'est pas mal aussi. Ah, c'est une idée, tiens. Putain, je sens que je vais me faire des amis chez Zara, chez M. Oh, ça va. Mais ils vont plus vérifier maintenant, je mais, pense. En même temps, mais non, mais en même temps, je suis sûr. Ah, mais faut pas vérifier, ça marche. Oui, et en plus, je suis sûr que t'es, ils sont au courant qu'il y a plein de gens qui font ça. Mais oui, non, bah, bien sûr aussi. Après, tant que le vêtement n'est pas abîmé, dans l'absolu, ils s'en foutent, ils le revendront à quelqu'un d'autre. Il y a Stéphanie qui dit, mais on peut acheter un pistolet pour remettre le plastique de l'étiquette, ça coûte que dalle. Oui, bah oui. Oui, voilà, encore plus simple. C'est pas plus con, ouais. Alice aussi qui dit, trop cool, j'ai oublié de remercier toute l'équipe, je retenterai ma chance de l'autre côté la prochaine fois. C'est Anis qui était là pour la colle. Bah de rien, Anis, merci d'avoir été là aussi. Et Angelina qui dit, ah Tof, tu t'es fait niquer, oui, pour l'appel il y a quelques minutes. Oui. Et le prince Nadia qui dit, Mickaël, victime de votre succès, exactement, il est démasqué que c'était Fun Radio. Mais oui, c'est déjà arrivé. Et le problème, c'est que ça va arriver de plus en plus souvent. C'est ça, bah, forcément. Ça devient de plus en plus dur. Bah je sais, mais qu'est-ce que tu veux. Bon, donc Dalia, donc toi, c'était l'affiche en soirée, quoi. Oui, voilà, l'affiche en soirée. Et ça va, c'était pas trop cher le vêtement que t'avais acheté, que tu voulais refourguer? Non, ça va. Bon, bah tant mieux, c'est déjà ça de prix, hein. Heureusement. Oui, bon, mais bah, bon. Bah oui, mais bon. C'est l'affiche en boîte qui est... Bah oui, mais tu vois, le problème, c'est qu'avec ça, à cause de ces soirées, à cause de tout ça, tu peux même plus être escroc tranquillement. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est un truc de fou, tu sais, c'est même sur tu sais, avec les Facebook et tout, parfois tu fais essayer de faire l'enfume, et ben tu peux plus enfumer tranquillement. C'est fini. Ben ouais c'est ça. Après, le mec du magasin, il voit que t'as porté le truc à la soirée sur Facebook et t'es niqué. Et voilà, c'est pas plus. Mais voilà, exactement, c'est la galère. Heureusement qu'on m'a pas fait le coup sur Facebook quand oui, même. Ah bah, sur Facebook. Ouais, mais même tu viens de t'afficher maintenant à la radio, Dalia, donc là dans l'autre. Bah c'est pas grave. Bon bah je te fais des bisous en tout cas, Dalia, merci de passer. Bah gros bisous à vous et un gros bisous à Tof surtout. Quelle horreur. Dalia, moi aussi je t'embrasse. Bien vu d'enculer, moi t'as l'air bâtard. Vous êtes un sacré petit galéon. Bah oui. Bien vu d'enculer, moi t'as l'air bâtard. Non mais attends, mais Dalia, mais t'as déjà vu Tof en vrai? Non, pas vraiment, mais gros bisou quand même à toi. Bah oui, moi je t'embrasse. Parce que j'ai apprécié rigoler avec lui. Merci. Ah d'accord, Galia. Et ça te fait rien de dire que le mec que tu trouves drôle et que t'apprécies en fait est un enculé avec toutes les meufs? C'est un gros menteur. Tu sais qu'il leur promet 11 émerveilles et qu'il va jamais au bout, il les baisse puis après il les jette comme des merdes. Et que c'est un enfant de putain. C'est pas moi qui le dis, c'est le. C'est son problème après, hein. Il se débrouille avec les filles avec qui il fait ça. Oui. C'est ses amis. D'accord, ok. Parce que moi je rappelle aussi, que Toff est. Et toi, t'es enculé, ben. Voilà. Exact. Et voire même, hein. Petit enculé. Exactement. Bon, ben gros bisous, Dalia. Gros bisous à vous. Allez, je t'embrasse. Ciao, à bientôt, Dalia. Salut, salut. Bon, est-ce que. Ou pas. Est-ce que. Georges. Ah. Ah. Ah, il est de retour. Le cœur tient. Je lui ai fait un massage cardiaque. Il y a eu un arrêt, hein. Non, c'est bon. Ah, il y a eu un arrêt cardiaque là pendant le son de Stromae, mais c'est bon, on a fait ce qu'il fallait. Mais est-ce qu'il a vu Dr House pendant la pause? Bah probablement. Oui. On est intervenu, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Bah on est intervenu, mais plutôt deux fois qu'une, évidemment. C'est Rome, tout ça. On pas le laisser dans la merde non plus, hein. On lui a touché le cul et tout pour voir s'il était vivant. Bah complètement, c'est surtout toi qui était par là, hein, pour vérifier ce côté-là. Pour l'entuber. Bon, oui, pour l'entuber, comme il a dit au lieu de l'intuber. Bon, c'est pareil. Bah oui. Dans son cas, ça change rien. Mais évidemment. Bon, Georges. Oui. T'es toujours avec nous? Oui. Très bien. Parfois on se demande. Bah oui, il y a Perrine qui est avec nous de Lens là. Bonsoir Perrine, comment ça va? Bonsoir. Oh là, calme-toi. Oh là là, allez, les fonds, oh là. Mais Lens, c'est. Votre enculé, gros bâtard. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, Lens. Hein, c'est cet accent-là. Comment? C'est cet accent-là, Lens. Votre enculé, gros bâtard. Hein? Oh, c'est des amitiés. J'ai pas compris. Bah si, écoute bien, c'est quand même cet accent-là. Votre enculé, gros bâtard. Vous êtes non, en train de tuer Georges. Merde. Ah pardon. C'est bon, on a remis la machine, ne vous inquiétez pas. L'électrocardiogramme va toujours bien, il n'y a pas de problème. Bon, Perrine. Oui. Bon, excuse-moi, il y a le son de l'électrocardiogramme, mais si je l'enlève, j'ai peur de perdre Georges. Oui, non, il faut. Donc, non, Georges, ça c'est ce que tous les malades disent en général à l'hôpital. Vous inquiétez pas, je peux sortir, tout va bien, et puis après ils font deux pas, ils tombent. La rechute. Voilà, tu vois, donc il vaut mieux te laisser en observation. T'es aux soins intensifs. Non, il n'y aura plus rien. Oui. Fais-moi confiance, je suis médecin. Il y a l'infirmière en plus qui est là. Oui, oh là là. Oui, je l'ai pris hors antenne. Ah, bah, très non, bien. C'est bon. On sait jamais, je préfère être sûr. Bon, Perrine, 21 ans, donc tu voulais réagir par rapport à Georges, enfin surtout donner un conseil, qui est un petit peu. C'est au-delà de la timidité là. Hein. Il est. Tu vois la timidité, tu vois le au-delà de la timidité, et ben c'est là. Vois un peu plus haut encore, on sait jamais. Tu sais, s'il parle aussi vite avec les meufs qu'avec nous, le mec il commence sa phrase, la meuf elle est déjà arrivée à l'autre bout de la rue. Bah elle est mariée, elle est déjà veuve, hein. Mais c'est vrai, tu vois, c'était à la fin de sa vie quoi. Bon, alors Perrine, qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais donner comme conseil, toi? Moi je dis que déjà s'il la rencontre dans la rue ou quoi, déjà lui lancer des petits regards. Ah, j'ai eu peur, je croyais que t'allais dire des cailloux. Non, lui demander son numéro, si après il a peur d'être timide, les SMS ou bien l'appeler quoi, ça. Ça lui permettra d'avancer un petit peu plus. T'as déjà essayé ça, Georges, ou pas? Non. Non, bah non, il peut pas essayer. Attends, Perrine, tu peux me réexpliquer? J'ai pas compris. Il lui jette quoi, en fait, à la fille? Des regards. D'accord. Fais-nous un regard, là. Comment il doit faire pour lancer un regard? Bah, je sais pas, des petits regards, qui... Je sais pas comment expliquer, en c'est fait. Des clins d'œil, non? Oui, bah oui. Ouais, des petits regards, t'as pas non plus fait tergiver non plus, toi. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Tu t'as dit quoi? J'ai dit pas des clins d'œil que je dois lui faire, non? Non, attends, tu fais quoi, Georges? Ouais, tu lui fais des clins d'œil et tu te passes la langue sur la lèvre. Non, quand même pas. Et si tu vois qu'elle est un tout petit peu réceptive, tu lui fais des petits bisous comme ça, tu vois, tu sais, avec la bouche en cul de poule. Ah, dégueulasse. Mais non. Non, après, faut pas non plus faire le pervers non plus, quoi. Non, évidemment, ça tombe sous le sens. Bon, alors, bouge pas, Perrine. On va reprendre Émilie aussi dans quelques minutes qui est avec nous là. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Excuse-nous, mais on est obligé de laisser l'électrocardiogramme. Ah, bah oui. Non, parce qu'on a peur de le perdre. Bon, t'appelles de Liévin, encore le Nord. Bah oui, gros, je suis la copine à Perrine. C'est la copine à Perrine. Et c'était pas plus simple de vous laisser dans le même avec le même téléphone? Bah on est pas ensemble. Ah vous êtes pas ensemble. Mais comme vous êtes là, vous êtes comme. Bon bah très bien, après on s'en fout. Cherche pas, c'est pas grave. Non malaise. T'avais aussi un conseil à filer à Georges dans quelques minutes? Oui. Bon alors reste avec nous, ne bouge pas, on va lui faire prendre un petit. Sa température. Ouais, on va prendre la température pour être sûr qu'il aille bien. Un scanner pour être sûr. Non mais on sait jamais Georges. Bon et bon reste avec nous. Et je rappelle aussi donc que si vous voulez donner un conseil au niveau de la drague, est-ce que vous avez déjà été timide? Est-ce que peut-être c'est non. passé? Est-ce que vous pouvez appeler une fille en direct? Ah tu m'as fait peur, je croyais qu'il voulait qu'on appelle une ambulance. Une copine à toi? Non, une fille. Oui, mais c'est pas une copine à toi, juste une fille. Non, pour la... Ah, pour la draguer. Appelle Karima. Ah bah bien sûr. Non, elle peut pas. La pauvre. Elle dort. Bon, attends. Ce qu'on va faire, c'est que si vous êtes une fille et vous avez envie d'essayer de vous faire draguer par Georges, en même temps lui donner un conseil, hein, tant qu'à faire, n'hésitez pas, appelez-nous maintenant, 01 42 48 5000, 02 851 4x0, donc pour la Belgique. Et vous pouvez aussi réagir, hein, sur le Facebook, le Twitter avec le hashtag Mickaël, ou même sur les SMS. Vous débutez le message par Mickaël et vous mettez votre message derrière. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 30 44 depuis la Belgique. Georges, tu restes avec nous ? Oui. Bon, très bien. Je te renvoie chez Sandro, elle va faire... Température, mais cette fois-ci dans l'anus. Hein. Voilà, température d'enfion. Tout à l'heure, c'était les selles, mais là... C'est pour voir si la température est la même, d'accord ? Ok. Très bien, parfait. Bon, bah alors comme ça, on est tranquille. J'ai eu peur qu'il nous claque entre les doigts, maman. Ouais, parce que c'est chaud. Quand il a dit, est-ce qu'on pourrait appeler ? Moi, je pensais qu'il allait dire une ambulance ou des pompiers. Bah oui, mais non, en fait, c'est pas ça. Il y a Stéphanie qui dit, des clins d'œil, mort de rire, le vieux truc de pervers. Mon Dieu, je me barre en courant, moi. Tu m'étonnes. Le prince, Nadia qui dit, médecin Mickaël, ça donne envie de tomber malade tout de suite. Oui, bah, faut pas vous emballer, hein, parce que je suis pas sûr de pouvoir vous soigner. Et Ludwig également qui dit, aujourd'hui, le prof m'a dit que je faisais pitié, et moi, en pensant à vous, j'ai dit, mais pas digne de pitié. Hop, 3 heures de colle. Oh, elle est pas cool. Et Copsy qui dit, la timidité m'a bloqué pendant 3 ans, maintenant j'y vais à l'arrache. Bah t'as raison, mais il faut pas non plus aller trop à l'arrache, hein, quand même, hein. Bon, allez, restez avec nous plutôt là. Il est 1h10 sur Fun, il y a Dubs qu'on écoute maintenant avec Tsunami. Et puis on revient juste après, vous toutes et vous tous en direct. On parle également des objets que vous avez achetés, que vous avez ramenés au magasin. Est-ce que vous vous êtes déjà fait griller ? Appelez-nous, on écoute Dubs maintenant sur Fun, c'est la nuit sans pub. Le son de Dubs à l'instant sur Fun avec Tsunami. Il y aura Jason Derulo à suivre dans quelques minutes. Hein. Ouais, c'est ce qu'on va l'écouter. Tu vois le bouton. Hein. Et puis il y aura aussi Drake. On va se mettre bien, tiens, on va chiller avant 2h. Ouais. Voilà, tout ça je vous le cale avant 2h du mat. Et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, bah demandez, hein, hashtag Mickaël. Vous n'hésitez pas sur le Twitter, sur Facebook, ça fonctionne également. Et vous pouvez envoyer tous vos messages sur les SMS si vous le souhaitez également, hein. Vous mettez M-I-K-L espace votre message. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 3044. Et on lit tout ça en direct. Il y a Gilbert qui dit, cette timidité vient de quoi? La peur de se prendre un râteau. Ouais, c'est ce qu'il a dit en fait. Il a peur que les meufs l'envoient chier. DJ Alexis Park aussi qui dit, température 38,7 pour le gars épluché. Ce mec il va claquer. Fatih aussi qui dit, Tof, t'assures malgré que t'es un salaud avec les meufs. Et Angelina, merci, qui dit, ma meilleure amie est devenue ma meilleure ennemie car elle a fait la terrible erreur de m'appeler Orangina au lieu d'Angelina. Oui, Angelina, mais ça, ce sont les choses qui arrivent, hein. Ce sont des choses qui arrivent, c'est comme ça. Et Jérémy Love sur le Twitter qui dit, t'inquiète Tof, pour moi t'es le premier du classement, suivi de Mickaël, Sandro et Polo, mais je vous adore tous quand même. Et Benoît qui dit, trop fort, j'adore Tof et ses amis. Et bon voilà, on va encore faire un petit appel, tiens, maintenant, tiens. Pour je rappelle que nous sommes toujours là pour aider tout le monde, puisqu'il y a une nouvelle loi qui dit que si vous faites gauler en train de vous taper une prostituée, il faudra raquer 1 500 euros. Ouais. C'est la taxe. Ça fait quand même vachement cher, hein, juste pour un coup de bite. Ah ouais, ça fait cher, effectivement. Ouais. Donc on appelle des gens depuis tout à l'heure pour... Pour les prévenir. Oui, et surtout pour savoir s'ils ont déjà consommé. Oui, et on est tombé sur cette personne-là tout à l'heure qui était très charmante. Là, je vais t'enculer, moi, t'as l'air, bâtard. Voilà. Tu suces tes meurs. Voilà. Et toi, t'es enculé, moi. Voilà, donc vraiment classe, hein. Donc on appelle d'autres personnes là maintenant, hein. Allons-y. Toujours des numéros que vous nous avez envoyés avec le hashtag Mickaël sur le mail. Des numéros que vous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Si vous avez des numéros de gens qui sont plutôt nerveux et qui sont réveillés assez tard, n'hésitez pas à nous transmettre ces numéros, on les appelle en direct. Bon, c'est parti. Allons-y. Allez, merde, putain, ça c'est le son de Global DJs qu'on va écouter aussi, dis donc. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Et quand j'avais dit que j'avais deux mains gauches, oui, ouais, parce que depuis que je sais que j'ai du pu dans les sinus, c'est le pu en fait. Ça m'a perturbé. Ça doit être le pu qui a pris les devants. Ouais, mais ça t'empêche pas d'être beau. Non, mais je te remercie. Tu as tellement raison. Bon, allez, on y va. On appelle. Allez. À 1h15, est-ce que ça va décrocher? Je l'espère. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà allé aux putes, monsieur. Comment ? Est-ce que vous êtes déjà allé aux putes ? Ah, ben, avec ta mère, ouais. Je vois pas le rapport, monsieur. Ah, donc il a déjà été aux putes avec ta mère. On a appris une excuse ce soir. Ah bah oui. Bon, on rappelle le monsieur pour avoir plus d'infos, là, parce que ça paraît bizarre, quand même, comme info, là. Allez. Alors. Oui. Allô ? Oui, je m'excuse, on a été coupé, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous voulez que j'appelle la police, ça ira plus vite. Bah, si vous voulez, mais je vois pas le rapport. Allô ? Ah bah non, là, reprend chez nous. Hein. Ah bah dis donc, ils sont gentils eux. Hein. Je suis sort de queue. Bah oui. Ah, ils sont plutôt cool. Je sais pas dans quel coin on était là, mais d'ailleurs, si vous donnez des numéros de téléphone à Tof, mettez la ville aussi, comme ça on sait dans quel coin on se trouve. Tu vois, parfois avec les accents, on arrive à retrouver, mais bon, là pour le coup, on sait pas très bien où est-ce qu'on était hein, en l'occurrence. Il y a Teddy qui a envoyé un message sur le Twitter également qui dit: mon père est nerveux depuis qu'il a vu mon bulletin. Oui, bah oui, Teddy, oui, c'est oui. C'est normal, il reste qu'à 2 heures. C'est clair. Jérôme, si j'avoue que 1 500 € le coup de bite, ça fait chier quand même, mais ça fait chier aussi. Mort de rire, vous êtes grave, c'est Annabelle. Bienvenue Annabelle, merci à toi. Et puis le prince Edia qui avait un conseil pour Georges: il faut t'imposer, montrer qui c'est le bonhomme. Bah, et ouais. Plus tu dragueras, plus tu apprendras. Ça tombe sous le sens en même temps. Hein. Bon, on va récupérer notre ami Georges là. Attends une seconde. Georges, est-ce que tu es de retour, Georges? Oui. Parfait. Donc on est toujours dans sa chambre d'hôpital, tout va bien. Le pouls est régulier. Ça va. Il a beaucoup non, de fièvre. En fait, c'est parce que je suis dehors. Et est-ce qu'on a vérifié les selles ou pas? Bah, elles sont molles, non? Il a pas envie. Attends, merde, il y a il est constipé en fait, ouais. Mais il faut mettre un secours. Attendez, je sais pas ce qui se passe là, qu'on appelle le médecin là. Allô? Il y a eu une bip parce que j'étais dehors. Ah bah des... fallait pas sortir. Ah putain, mais sors pas. Retourne dans ta chambre. Vite, au chaud. Oh là là là. Putain, ça c'est des malades. Ils sont relous les malades. Ouais, c'est toujours je peux sortir me docteur. Et puis au final je vais bien. Ils font deux pas, ils tombent. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est la rechute. Bon Georges. Non, c'était pour pas que mes parents m'engueulent en fait. Non, Georges. Mais non, tu ne bouges plus. D'accord. Oui. On a dû te suivre avec le chariot et avec l'électrocardiogramme. Donc, pense un peu à cette pauvre infirmière qui doit te suivre. Voilà, la prise de courant est pas extensible à l'infini, d'accord? Ok. Bon, je compte sur toi, tu bouges plus, hein. Ok. Bon, très bien. Bon, alors, il y a Émilie qui voulait, comme Perrine, son copine, là, qui voulait donner un conseil. Salut Émilie. Et puis on aura des filles également qui vont essayer de te draguer, Georges. Enfin, qui vont essayer de te draguer. Tu vas essayer de les draguer plutôt, d'accord? Ok. Bon, allez, vas-y Émilie, sois la bienvenue. Donc tu t'appelles de Liévin dans le Nord, Pas-de-Calais. Et tu voulais donner un conseil à Georges. Bah tu le dragues pas dans la rue, c'est démodé quoi. Tu te dragues en boîte. Démodé. Ah oui. Bah voilà autre chose maintenant. Maintenant il faut draguer sur Fun, c'est pas connu, hein, allô. Voilà. Bah, oui. Oh ouais. Exactement. Va te faire enculer gros bâtard. Bravo, bon, allô. Mais... Mais tu dis faut pas draguer dans la rue. Bah ça fait pervers quoi. Ah ça fait pervers. Dire qu'il y a la voix en plus. Bah oui. Va te faire enculer gros bâtard. Mais non mais c'est vrai qu'effectivement au rapport à la voix c'est un peu compliqué. Mais t'aimes qu'on te drague où toi Émilie? Bah c'est plus en boîte quand on a un coup dans le nez. En boîte. Moi je pense dans les Facebook. Dans les chiottes des boîtes. Dans la rue. Dans la rue c'est démodé. C'est démodé dans la rue. Voilà. D'accord, ok. Bah oui, ouais, évidemment. Bon, et c'est un bon conseil. Hein. Bah je pense que c'est le meilleur qu'on ait eu ce soir. Hein. Probablement, oui. Draguer dans la rue, c'est démodé. Bah exactement, oui, tout à fait. Non mais c'est vrai, hein, t'es d'accord avec ça Perrine, évidemment, vous êtes copine. Franchement, je suis mort de rire là. Ah d'accord, ok. Non mais écoute, c'est pour être sûr. Hein. C'est pour être sûr. Bon. C'était juste, je voulais demander, il y a déjà eu une meuf ou Jean-Mi? Une fois. Ah, bah c'est bien. Et t'as fait comment pour la draguer? Je l'ai connue au lycée en fait. Tu l'as fait quoi? Je l'ai connue au collège. Tu l'as connue au collège? Rigolez pas! Rigolez pas, il va nous faire un infarctus! Restez calme! Restez calme! Non, restez calme! Arrête de rire, Georges, tu vas nous faire un infarctus! Ça va pas ou quoi? Bon! Ne bougeons pas. Si vraiment il est vraiment comme ça dans la vie tous les jours, avec son aspect pervers, il peut lui faire du rentre-dedans carrément. Hein, dans avec la son rue, aspect pervers. Ah bah oui, avec son aspect pervers, bah oui, bah oui, c'est une idée. Ouais. Mais tu sais, je suis sûr qu'une fois sur 10 000, ça peut marcher. Hein. Ah bah bien c'est sûr. C'est pas ma vraie voix, ça. Comment, Georges? C'est pas ma vraie voix. Oui. C'est pas quoi? C'est pas sa vraie voix. C'est pas sa vraie voix. Ah, c'est pas ta vraie voix. Ah oui, d'accord, ok, bah nous voilà rassurés. Parce que là, je suis timide. D'accord. On l'avait pas remarqué, Georges. Tu vois, finalement, ça s'entend pas tellement que tu sois timide. Ouais. Bon, Émilie et Perrine, merci beaucoup, les filles. Oui, de rien. Gros bisous, hein. Gros bisous, on va avoir un cadeau. Non. Et n'oubliez pas les filles, c'est démodé de dinguer dans la rue. Je vous harcèle tous les soirs en plus pour gagner l'iPad. Et en les plus, play. T'as vu, bah justement, faut moins nous harceler. Non mais je plaisante. Forfait. Bon, Émilie et Perrine, on va vous filer le pack fun, vous allez gérer ça avec 100€ standard. Salut, gros bisous. Merci, bonne soirée, au ciao. Revoir. Ciao, allez, bye à vous, bah à bientôt. Bon, Georges. Oui. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. C'est quoi? J'ai des filles. Ok. Tu sais combien? Non. À ton avis? 9. Combien? 10. Non, tu t'emballes un petit peu là quand même, hein. T'es pas non plus Leonardo DiCaprio, reste calme. Donc à ton avis, combien tu sais? Non. Très bien. Bah et, écoute, il y en a 3, 4. 3? 4. Tiens, c'est balèze quand même, 4. 4, c'est ouais. Pas mal. Hein? Ouais. Et Sandro? Bah elle est décédée là. Non, est-ce non. Que tu pourras m'ajouter sur Facebook? Elle oui. Prépare sa perfusion là. Bah évidemment, y'a pas de problème, y'a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Il s'en va. Oh là là. Massage cardiaque. Oui. Massage cardiaque. T'as dit. Enlevez. Allez. On pompe. 1, 2. Ah non, on l'a perdu. On a perdu Georges. Bah, heure du décès, 1h22. Qu'on prévienne la famille. Nous sommes désolés de devoir vous annoncer que Georges nous a quittés. C'est une erreur de machine. Ah. Bon, on le remet sur l'électro. Ah alors, bah oui. Putain, j'ai eu peur. Arrête de nous faire des frayeurs comme ça, Georges. Putain, là. Non, c'est bon. J'ai cru qu'il était venu là. J'étais mort. Bah ouais, j'ai cru que t'avais sucé justement. Du coup, t'étais mort. J'ai eu peur. Je fais un stage en fait aussi. Comment? Je fais un stage. Un stage de quoi? Dans le magasin. Non mais c'est bien, au moins ça te donne peut-être ça calme peut-être un petit peu ta timidité. Est-ce qu'il faut faire du théâtre aussi, c'est bien là, non? Ouais. Non. Non, d'accord. Bon, très bien, mais t'as raison. En même temps, moi, à ta place, j'aurais dit. Ta gueule, connard. Et t'aurais eu raison, Georges. Bon, je vais te présenter Déborah qui est avec nous de Reims là. Bonsoir Débo. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, t'as pas trop eu peur là du petit bug de l'électrocardiogramme? Non, je t'ai débarré depuis tout à l'heure. Ah bon? Ah bah t'aurais rigolé de son décès. Bah bravo, bravo. Je te félicite pas, Déborah. Hein, bravo, c'est comme ça que ça marche. Bah bravo. Bon, alors Déborah, je te présente Georges. Oui. Déborah, Georges. Enchanté, Georges. Enchanté. Il faut Déborah. Savoir que vous êtes à l'hôpital, hein. Oui. Oui, bah, c'est pas, je peux dire. Enchanté, Déborah. Déborah, elle vit peut-être ses derniers instants, hein, donc sois persuasive. D'accord. Quel dialogue! Vas-y, Georges, attaque. Attendez, allô, Déborah. Fais-lui des clins d'œil. Elle est dans le standard, Georges. Commence pas, t'inquiète. Elle est dans le standard, elle est bien. Elle est où? Elle habite à côté de chez toi, Georges. Elle habite dans le 9-3 aussi. Hein, Déborah, oui. Dans le 9-3, voilà. Bon, alors. Ouais, c'est ça. Ça te tromperait qu'on fasse une connaissance en allant boire un coup quelque part? Mais prends-en deux directement. Hein. Ouais, ça tiendra plus long. Un conseil, prends de l'alcool fort, hein, ça te mettra à l'aise. Ok. Un petit Sky. Ouais, oh, pas d'alcool, voilà. C'est un patient. Oui, c'est vrai qu'il est malade, il est sous médicament, pas d'alcool. Ah oui, c'est vrai, il est malade. C'est vrai, bah, bon, un petit diabolo, alors, pour voilà, un diabolo, c'est parfait. Et des bourrins. Hein. Oui, Georges. Est-ce que ça te tenterait qu'on se rencontre? Oui, Georges. On pourrait se rencontrer. Relâche-toi, respire, oh là là, calme-toi, c'est pas grave. On pourrait se rencontrer où? Voilà, c'est mieux, vas-y. Il y a Gélico sur le mail qui proposait que tu lui mettes un doigt dans le cul. Georges, prends-toi pour George Clooney. Imagine-toi que t'es George Clooney et vas-y, assure. What else? Voilà, assure sur ta voix, mec. Fais une voix d'homme, sois plus fort. Vas-y, fais comme ça. C'est mieux, là, maintenant. Ouais, plus fort. Déborah, c'est mieux, là. Mais oui, parle plus fort en fait. Ouais. Oui. Parle en étant plus sûr de toi là. Ah voilà, tu vois. Voilà, c'est ça. T'as vu, wesh, wesh, en place, t'as vu, tranquille ou quoi. 9-3 représente ou quoi. On est bien ou pas là. Eh, si t'as un rat ou un chat à côté de toi, tue-le, ça va faire de toi un mal. Mais arrête. Ah bah non. Mais un rat, ça. Bon, Georges. Oui. Bon, alors avec Déborah là, ça se passe bien ou pas? Bien ou bien? Eh, Déborah. Voilà. Oui, Georges. Est-ce que... Plus grave dans la voix. On se rencontre. Ah bon? Ça te tenterait qu'on se rencontre? Alors je vais donner un conseil, Georges, ne jamais laisser de questions ouvertes. Jamais. Parce que s'il dit non, c'est mort. Si voilà, elle te dit, voilà. Tu vois, si tu lui dis, ça te dirait qu'on se rencontre, elle va dire non, ah bah t'es mort, tu peux plus rien faire. Toujours okay. Poser des questions, soit tu lui dis, on va le faire, soit il s'en fout. Soit un bonhomme, genre. Attends, c'était pour moi ça. Donc, oui, il a pas le temps. Non, je le sais, donc je ferme ma gueule. Vas-y, Georges. Allô ? Oui ? Oui. Vas-y, Georges. Fais le bonhomme, Georges. Fais de la vanne, sois drôle. Mets-lui un doigt dans le cul. Georges, c'est quoi ce bip à chaque fois là ? Parce qu'il a un double appel. Ah, non, c'est son pacemaker. Si, la racaille. Ok, alors vas-y. Moi, je m'appelle Georges, j'habite à Coubron. Eh, hey, Georges, stop, temps mort. Parle avec le fond de la gorge, ouais. Pas avec le zen. Si, bonjour. Ouais, ouais, c'est Georges. Voilà. Allez, c'est Georges le bonhomme. Du 9-3. Ouais. Voilà. Le BG du 9-3 en place, t'as vu ouais. T'as vu merci. Vas-y, monte, tu représentes le Tiekar. Voilà. Si, la racaille. Et... bon, alors, très bien. Déborah. Oui. Est-ce que ça t'habite où? Non, mais on a déjà posé la question, Georges. Elle habite pas loin de chez toi, là, Déborah. Par où, en vacances? Ah, ça dépend. En général, je pars au soleil. Ouais. Moi, je pars à Nice. Ouais. Ah, tu pars à Nice, toi? Georges, ouais. Tu parles lui d'autre chose. Demande-lui ce qu'elle aime comme musique. Intéresse-toi à son métier, parce qu'elle adore qu'on s'intéresse à elle. Métier. T'aimes quoi comme métier? Je suis vendeuse en décoration. Attendez, attendez. Suis... Oh, stop. Est-ce que Mickaël peut intervenir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je fais ? Grand maître. Bah moi je peux pas moi. Grand maître, illuminez-vous nous de votre tout de votre dit, splendeur. Ouais. Tout est dit là, tout est dit, il l'a dit tout à l'heure. Ta gueule, connard. Ah, moi je ne peux plus intervenir. On a quand même assisté ta gueule, à connard. Voilà, tu vois. Infirmière. Hein. Il a raison. Et on a assisté quand même à un truc à un moment mémorable, c'est-à-dire qu'il lui demande qu'est-ce que t'aimes comme musique, elle dit je suis vendeuse dans un magasin. Non, elle a dit qu'est-ce que t'aimes comme métier. Ah oui, d'accord. Voilà, mais ça vous fait un point commun en plus. C'est vrai. Toi aussi t'es vendeur. Bah oui, Georges, t'es vendeur toi. Ouais. Ouais, ils vendent du rêve. Dans un supermarché. Très bien. Bon, alors, la suite. Bah, la suite, ce sera après des zones de rouleau, parce que je pense qu'il y a un moment, faut faire une pause. Hein ? Il y a d'autres filles pour Georges. Voilà. En plus, ouais, il y a Vanessa, il y a Soraya, il y a Virginie. Vous êtes là, les filles ? Virginie, t'es là ? Ah, ça sent la oui, chatte. Je suis là. Très bien. Soraya également ? Ouais, je suis là. Très bien. Vous êtes chaude ? Ah, ça sent la chatte. Ouais. Chaude pour rencontrer Georges ? Ouais, bon. Ça va vite faire. Ouais. Bon, bah, il y a Vanessa également qui est là. Ça va, Vanessa ? Oui. Très bien. Chaude pour rencontrer Georges ? Oh là là, je mouille déjà. Très bien. Bah, alors, bouge pas, Vanessa. Bougez pas, Virginie, Déborah, Soraya. Georges, reste là également. Là. On va se faire le son de Jason Derulo. Ça vous branche, les filles ? Oh oui, ouais. Cool. Bon, bah, très bien. Allez, hop, c'est parti. Ah, Jason Derulo, Dirty Talk, il est 1h30 du mat sur Fun, on est en direct jusqu'à 2h comme chaque nuit. Bonsoir, bonne nuit tout le monde. What? I don't understand. Hey, Jason Derulo sur Fun Radio à l'instant, 1h32. Message qui dit c'est James, je viens de gagner l'iPad Air en jouant au jeu de la colle. Là, merci pour tout. Je vous suis tous les jours. Merci encore. Vive Fun. Ah bah de rien, écoute, content que ça te fasse kiffer James, tant mieux. Le prince Tindia qui dit Georges demande lui quelle est sa position sexuelle favorite, lâche-toi. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, Georges. Hein. Georges. Bah oui, c'est une bonne idée de lui demander sa position sexuelle préférée. Allongé. Ah, toi c'est allongé. Bah écoute, j'ai envie de dire tant mieux hein. En même temps, tu peux pas faire debout en fait, faut être vraiment puissant quoi. Enfin, ah ouais, une musculature ouais. Debout, pour être debout, c'est debout, chaud. Ouais. Quoi. Mais d'ailleurs, Georges, tu ressembles à quoi physiquement ? Parfait, non mais franchement ouais, ça donne envie, ouais. Ah putain, t'es beau gosse hein, mec. Bleu. Ah, tu es quoi ? Bleu. J'ai les yeux bleus. Ouais. J'ai entendu, je suis bleu. Oui, c'est un chapeau. J'ai un chapeau blanc. D'accord. Et cheveux marrons. Ok. Je mesure 1m50. Ouais. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Bon, alors attends, il y a Soraya également qui est avec nous là. Salut Soraya. Ouais, salut. Comment ça va? Ça va bien. Bon, très bien. On a toujours Georges sous électrocardiogramme, hein, pour être sûr. Ouais, hein, surveille. Parce qu'on s'inquiète non, un peu. Bon. Ouais, je sais. Non, c'est pas bon. Les patients disent toujours c'est bon et au final, hein, c'est jamais vraiment bon. Hein, donc, laisse-nous faire, nous sommes des médecins. 15 ans de métier. Voilà, nous sommes des professionnels. Bon. Vous savez ce que j'ai envie de préparer l'année prochaine? Oh, bah, dis-moi toujours. Un gâteau? Dis-moi toujours. Un bac pro. Ah. Un bac pro, bah c'est bien dans quoi? Jardinier. Jardinier, bah c'est très bien, voilà. C'est parfait. Comme ça, il pourra s'occuper des buissons des meufs. Voilà. Ou de belles plantes. Bon, Soraya qui voulait peut-être te donner un petit conseil pour la drague, hein, ou en tout cas, peut-être, t'emmener vers la bonne direction. Ouais, bah moi je veux bien qu'il essaye de me draguer, après je lui donnerai peut-être des conseils. Allez, calme-toi, toi. Hein. Alors, Soraya. Un peu trop speed pour lui, je crois. Ouais, ouais. Du calme, Soraya. Hein. Bon. Oui. Georges. Oui. Je te présente Soraya. Georges, vas-y comme tu parles hors antenne, pareil. Ah, parce que le pire c'est qu'en antenne, là il est. Il parle bien hors antenne. Là, ouais. Il parle difficilement et hors antenne Alexandra il me dit bah y a pas de problème. Ouais, c'est bon, je suis prêt. Je m'appelle Georges, j'ai 18 ans. Ok, enchanté Georges. Relâche-toi, ma gueule. Je fais de la salsa. Genre. Ah, la salsa. Ah, et pas de chatin. Eh, je crois qu'il a des problèmes de gaz. Non, je fais de la danse, après je fais du foot. D'accord, il y a Charlie qui proposait que tu m'aides un peu de ventoline. Non, c'est bon. Non, d'accord, ok. Après, je peux dire... Georges Clooney, Georges, sois Georges Clooney. Yo, man, je suis un gangster. Non, dis pas ça. Non, surtout, dis pas ça. Faut pas dire ça. Georges Clooney, ça. My God. Non, je suis Georges du 9-3, alors. Ouais, ouais. Non, t'es Georges tout court. Ok. Voilà. Sinon, je suis timide parce que je n'ose pas parler aux filles. Oui, ça l'a bien marqué. Hein. D'accord. Bah, j'ai remarqué ça. Et je sais pas comment le dire. Eh bah, tu l'as dit là, c'est bien. Voilà. Là, j'ai peur. Non, c'est bien. Ça va mieux ou pas là? Ça va un peu mieux, Georges. On n'est pas encore arrivé, mais ça va un petit peu mieux là. Georges, comment tu parles à ta mère? Normalement. Bah voilà. Fais comme si tu parles à ta rhum. Ok. D'accord. T'as vu tout de suite, il a un petit regard. Tu vois, tout de suite, c'est mieux là. Je l'ai vu sur l'électrocardiogramme là. C'est un peu monté là. Ouais, c'est vrai. Fais comme si tu parlais à ta rhum. Exactement, c'est un petit peu monté. Ok, c'est bien. Voilà. C'est mieux, là. Putain, on va y arriver. Il a le double appel. Non, c'est bon là. Il est bientôt guéri là. C'est bien, vas-y comme ça. Tu vois, finalement, c'est bien de venir en consultation chez nous. Ok. Là. Bon, allez, vas-y, Mike, ma gueule, et continue là. Vas-y, Soraya, toujours, elle est là, elle est bien. Ouais, je suis toujours là. Et Soraya? Ouais, je t'écoute, vas-y. Bon, attention, Georges, je te garde en observation quand même. Hein. Non, c'est si, si, si, si, si, si, si, si, on sait jamais. Et Soraya? Ouais. Est-ce que tu peux me donner des conseils, comment aller voir les filles et tout ça? Je suis sort de queue. Des conseils, bah écoute, tenez tes conseils. Déjà, détends ta voix. Viens, je vais t'enculer, moi, t'as l'air bâtard. T'as l'air super coincé dans ta voix, déjà. Oh. Ouais. Après, c'est sûr que si t'as une fille devant toi, bah oui, comme elle disait, l'autre, tu fais un peu des clins d'œil et tout ça. L'autre, elle a un nom, l'autre, elle s'appelle Déborah. Oui, c'est Déborah, c'est bon. Hein, comme disait l'autre. C'est genre la concurrente là, hein, l'autre connasse là, qui a essayé de me le choper. Non, mais là. Je me rappelle plus son prénom. Et bah voilà, bah c'est Déborah. C'est Déborah, bah. Déborah. Je m'excuse auprès de Déborah alors. Donc, fait, vous savez. Vas-y, ah, on l'a perdu, on l'a perdu. Vous savez en fait ce qu'on m'a dit? Non. Je connais une fille de ma classe, en fait, elle m'a présenté une fille. Ouais. Et elle a dit qu'elle était morte et tout, et après, je sais pas si c'est vrai, mais. Non, c'est pas vrai. Si, si, ouais, on verra. Bon, il y a le problème. Pourquoi? Eh, hey, Georges, attends, je comprends pas. Tu fais de la salsa, les filles adorent la danse. Pourquoi tu... C'est un sujet de... Elles sont pas mon âge, les filles. Et là-bas. Alors, c'est pas elles bien, toi. 45 ans. Y'a pas d'âge pour la danse. Tu les bourres, 45 ans, non, c'est attends, bon, ça. Ouais, ouais, oh, pardon, une bonne mille. C'est l'automatisme. Y a ça le me plaît pas, quand 45 ans. Ah, ça te plaît pas. Bon, écoute, après, en même temps, il y a un moment, faut pas non plus être trop difficile. Hein. Moi, on m'a toujours dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait... Oui, paraît-il. Les mieux, là, je parle mieux, là. Oui, ouais, ça va mieux. Attendez, parce qu'il y a des messages qui sont arrivés aussi. Le prince Cédia qui dit c'est mieux de le garder en observation, je pense aussi. Il y a Raph qui dit salsa, bachata, ça c'est cool pour les meufs chelous. Tu dois que tu sois timide pour danser avec des nanas. Et Stéphanie qui dit ta position sexuelle préférée, allongée, entubez-moi s'il vous plaît, je décède. J'avoue. Et il y a Sébastien qui dit Georges, en fait, c'est droupi. Non, je suis pas droupi. Hein. T'es pas droupi. Bon, bah d'accord. So happy. Bon, alors attends, avant de te présenter Virginie, j'ai Vanessa qu'on va prendre maintenant, qui est avec nous dans le standard. Soraya cette et Déborah. Salope de Vanessa. Attendez deux secondes, on a Vanessa. Ouais. T'es là, Vanessa. Ouais, Vanessa. Allô? Ça va bien? Oui, je suis là. Ok, je te présente Georges. Elle, elle est américaine, Vanessa Georges. Ça va? Allô, Georges? Oui. Oui, j'ai entendu ta voix. Ça m'a excité. Je suis toute chaude. Non, je sais, c'est qui. Bah, c'est qui? Bah, c'est Vanessa. Tu la connais? Non, c'est quelqu'un du standard. Ah non, ça c'est pas possible parce qu'il y a Sandro au standard, il y a Dexter le stagiaire, ils sont tous les deux à côté de moi. Et il est interdit d'antenne le stagiaire, voilà. Donc c'est pas possible. Mais oui, c'est Vanessa, Georges. Je me l'avais fait la blague. Mais je non, te plaît mais... pas, Georges. T'as quel âge? Moi, j'ai 23 ans, Georges. Ah. Pourquoi? Ça m'intéresse. Bah pourquoi? Et qu'est-ce que tu cherches comme fille, comme âge? 18. Ah 18. Ah ouais mais genre. Ah ouais. Bon bah, non, désolé hein, parce qu'il y a Virginie qui est arrivée aussi là, mais alors 38 ans là on est hors gabarit là, alors. Ouais. Ah ouais bah. Mais ouais. Je suis déçu Georges parce que moi j'étais toute chaude. Bah ouais mais Vanessa. J'avais envie de faire des choses avec toi Georges. Bah ouais mais là non, tu vas chez ta mère Vanessa hein. Oui mais enfin ma mère elle est moins excitante quand même que ouais, bah, j'imagine bien ouais. Bon bah tant pis. Et Virginie qui est avec nous également de Nancy là, comment ça va Virginie? Allô, ça va bien? Ça va bien. Bon, très bien. Ah, tu es hors sujet, alors? Bah, écoute, apparemment, il veut quelqu'un de 18 ans, Georges. Ah, bah, c'est dommage. Hein. Bah, c'est vas-y, non, vas-y. 18 et 19. Ah 18-19, ah bah ça va parce que Virginie a 19 ans justement, tiens ça tombe bien. Quelle fourchette. Voilà. Allez hop, voilà, 19 ans c'est bien, Virginie a 19 ans. Allez Georges, Virginie, Virginie, allez, Georges. Allô Virginie. Allô Georges. Virginie l'a dit. Oui, bonjour, ça va? Bah et vous, oui et toi? Ouais, tu fais quoi dans la vie? Moi je fais quoi dans la vie? Moi je suis une vendeuse. Vendeuse? Je suis vendeuse textoy. Oh, ah. Vendeuse sextoy. Ouh, la grosse cochonne. Ah, ça paye bien ou pas? Alors attendez, on s'en fout. Il y a... Il y a Charlie. Mais bon, bien, ça va. Il y a Charlie qui dit, je pense que le mec a sucé les somnifères. Il m'a envoyé un mail, là. Attends. Non, c'est bon, là, ça va mieux. Non, ça va pas mieux, tu restes en... T'es pas médecin? Là, ça va mieux ou pas, là? Ouais, ça va. Ça va un peu mieux, mais tu restes aux soins intensifs. Ouais. Hein. C'est parce que j'ai le téléphone moins loin. Ouais. Voilà, mais tu restes aux soins intensifs quand même, d'accord? Ok. Bon, allez, vas-y, la vendeuse de sextoy. Virginie? Non, c'est pas Virginie, c'est Virginie. Virginie. Parce qu'une Virginie. Verge, c'est pas pareil. Virginie, ouais. C'est pas pareil. Hein. Ouais, mais c'est le côté vendeuse de sextoy qui l'a perturbé. Peut-être, ouais. Ouais, je pense. Est-ce que t'as Facebook? Moi, j'ai Facebook, et toi? Oui. Ah oh, putain, on se marre, hein. Oh là allô. Mais on chaîne oui l'art, fais-lui des coups de pied, dis-lui qu'elle est belle. J'aimerais bien faire ta connaissance. Mais dis-lui qu'elle est belle, que tu lui plais, qu'il y a un brillant dans ses yeux qui t'excite. Vas-y, je suis tout à toi. Oh là là, mais bon là. Mais t'es glingue, tu la prends par les cheveux comme ça, tu l'attrapes. Eh, Virginie. Oui. Tu m'excites. Oh. On est arrivé à un truc là. Mais attendez, c'est pas fini. Ça va jusqu'au bout là. Oui. Sinon, tu me plais. Oui. Alors là tu retombes. Et j'aimerais bien te rencontrer. D'accord. Qu'est-ce qu'on se marre? Pourquoi? Qui fait un ping-pong pour demain, ah, viens. Demain, si t'es encore en soin d'intensif, je pense pas qu'on se verra demain. Hein. Non, c'est bon. Et hop, un point. Et après-demain. Allez, cool. Comment? Et après-demain? Ah bah après-demain, il n'y a pas de souci, mais si t'es encore en soins intensifs... Non, ça ira mieux. Ça ira mieux. Oui. Je suis en train de jouer au ping-pong derrière. Dans ta gueule, Polo. Ah, oh, j'ai merde. C'est les deux, Sandro et... Hein? J'affronte. C'est le monsieur qui joue à la table de ping-pong. C'est le monsieur. C'est plus rapide, attention. C'est qui qui joue, là? C'est moi, c'est moi intensif, qui joue. Là, c'est intensif. Est-ce que je peux lire? Eh ben voilà. Ah, c'est le filet, il est trop haut. Encore gagné. Virginie. Alors, Virginie avec un I. Virginie, est-ce que je peux avoir ton numéro? Ouh, du calme, papillon, là. Hein? Il faut d'abord apprendre à voler, monsieur. Ça vole bien haut, soir. Ah oui, bah là, oui, là, oui, ça c'est sûr. Ouais. C'est parce que je suis en manque. Ah, t'es en manque? Bah oui, j'imagine, ouais. Bon, Georges. Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner ton numéro à Soraya, Déborah et Virginie. Oui. Et pas puis... Vanessa, elle ne peut pas. Et Vanessa, pardon aussi. Et puis Adjane que pourra. Hein. Et moi, je pourrais les avoir, leur numéro? Non. Pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. On va leur donner ton numéro. Si elles veulent te rappeler, libre à elles. Et puis, bah si après, elles te le donnent, elles te le donnent. Ok. D'accord. Est-ce que je peux avoir un pack fun? On va t'en mettre deux. Voilà. D'accord. Et on te met un tube d'orgue 11, c'est pour. Dédicace ou pas? Oui, bah alors vas-y, mais vas-y. Je fais une dédicace à Nicolas du 9-3. Ouais. Et c'est tout. Virginie? Oui? Est-ce que t'es d'accord de m'appeler après? Allô? Je suis toujours là. Il est décédé. C'est terminé, on l'a débranché, on a dû le débrancher. Il y a des chants, on peut pas débrancher. Faire, on a dû le débrancher. On est médecin, c'est tout. Hein. Bah voilà, c'est ça, on n'est pas Dieu. Hein. Et quand c'est l'heure. Eh bah oui, on peut pas éternellement prolonger. Bah voilà. Chacun à son heure, c'était comme ça, c'était écrit. Qu'est-ce que vous voulez maintenant. Exactement, mais il sera plus heureux là-haut. Ouais. Avec. Avec Michael Jackson, il sera là-bas avec tout le monde. Avec Tupac, Marilyn Monroe, Tupac Shakur, voilà. Avec Marilyn sera là, tout le monde sera là, Clo-Clo. Ah bah enfin bon, lui difficilement. Hein, Coluche, salut l'artiste. Exactement, ouais, tout ça, voilà, c'est ça. Ouais. Michel Drucker. Bon bah Soraya, pardon. Soraya, Déborah, Virginie et même Vanessa, merci pour votre patience et votre courage. Merci, Michael. On va vous donner vos numéros. On va vous donner le numéro de téléphone de Georges et après, comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, ça marche. Okay. Salut les filles. Ça ne vous engage à rien, les filles. Bien entendu, évidemment. Salut les filles, gros bisous. Salut, et merci d'être passé, je vous embrasse, ciao. Merci. Bon, et nous allons dans quelques minutes, ouais. Je ne vous en dis pas plus, déjà faire des appels et avoir une star au téléphone. On a eu Jared Leto au téléphone, ouais. Mais là on est au-delà. Oh, au-delà. On est bon. Au-delà. Au-delà. Non mais quand je vous le dis, c'est au-delà. C'est magnifique. C'est au-delà. Au-delà. Ce sera après Global DJs et Kids sur Fun. Bonne nuit tout le monde. Allez, bienvenue si vous arrivez, c'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. Tous les soirs, on est là depuis le 22 juillet, hein, de 23h à 2h du mat, tous les soirs de la semaine. Et puis le dimanche de 20h à minuit, donc prévenez via vos potes et prévenez-les également, qu'on sera à Montpellier ce week-end. Hein. On arrive vendredi début d'après-midi. On ira faire un tour du côté de l'Esplanade, du lycée Joffre pour aller vous chercher à l'école, tout simplement, avec des cadeaux. Le samedi, on ira faire un petit match de foot au Soccer 5. À Montpellier aussi, je vous donnerai l'adresse. Tout sera sur le Facebook bien entendu. Et puis dimanche on fait l'émission en direct des studios de Fun Radio Montpellier. Donc c'est sur la place de la Comédie. Si vous voulez venir nous rejoindre un des trois jours ou les trois jours, il n'y a aucun problème. Vous êtes les bienvenus, sans problème bien entendu. Il y a Copsy aussi qui dit je suis avec vous depuis minuit, on se tape des bars avec vous, c'est ouf. Mais merci Copsy. Ludovic qui dit jamais autant ri de ma vie, excellent. Il y a Miguel qui dit putain ça arrête ce carnage, je vais pas tenir, je suis au bord de l'explosion de rire. Aline aussi sur le Twitter qui dit je suis mort de rire, j'en peux plus avec ce Georges la Virginie. Non mais c'est vrai qu'il disait Virginie, c'est dingue. Il y a Benjamin qui dit un moment culte avec ce genre, je décède en direct. Eh, vous n'allez quand même pas obligé à mettre l'électrocardiogramme sur tout le monde. Hein. Surveiller tout le monde. Parce que j'en ai qu'un seul là. Et Davis William qui dit je suis sûr que vous faites plein de grimaces, je voudrais être avec vous, je suis décédé, mort éclaté, vous êtes des dingues. Et Roms, DJ Roms qui dit ça sent la chatte sauf pour Vanessa. Oui, ça c'est sûr, effectivement, de ce côté-là, on était tous tranquilles. Pourquoi j'ai dit ça? Bon, elle avait l'air super excitante, Vanessa. Ah, ben complètement. Et avant de prendre notre star, justement, on va encore faire un dernier appel. Allons-y. Allez, c'est parti, dernier appel maintenant. Toujours pour prévenir les gens que si vous allez voir des prostituées, ça vous en coûtera 1 500 € si vous faites choper par des flics. Hein ? Oui, c'est ce qui est quand même très cher. Ce qui est quand même relativement cher. Donc c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Donc dernier appel pour ce soir, hein, 1h50, après on va laisser tomber. Hein. On en fera d'autres demain. Oui, c'est quoi cette sonnerie ? Oui ? Oui, bonsoir madame. Oui ? Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre mari avait déjà été aux putes. Et puis vous foutez de moi, vous ? Non, pas du tout, madame. Non, et qui vous êtes pour parler comme ça ? Moi, je m'appelle Toff, madame. Pardon ? Non, je m'appelle Toff, madame. Toff ? Et alors, qu'est-ce que vous parlez comme ça ? Ben rien, je veux juste savoir si votre mari a déjà eu du sexe pour de l'argent. Ah ouais ? Foutez de ma gueule, quoi. Mais pas du tout, je veux juste savoir si votre mari a déjà eu recours à des relations tarifées. Mais ça ne va pas la tête, non? Vous êtes malade ou quoi? Mais non, pas du tout, madame, enfin, je comprends pas. Ouais, c'est ça, salut, hein, il va se faire c'est quoi? Bah non, je comprends pas. Ah bah elle a raccroché. Là je pense qu'on était plutôt vers Charleroi la Louvière, non? Oui, on est par là. On est Charleroi la Louvière dans le Hainaut. Bon, on rappelle, hein? Allons-y. Allez hop, c'est reparti. Merci charmant. Bah évidemment. Oui, excusez-moi madame, mais je comprends pas pourquoi vous le prenez comme ça. Je veux dire, la question est simple. Mais et déjà, pourquoi est-ce que vous me posez cette question? Bah juste pour savoir, madame. Je vous pose la question comme ça parce que je voudrais savoir si votre mari est déjà allé voir des putes, c'est tout, c'est pas... Ah ouais, d'accord. Y a rien de mal à ça, madame. Ah ouais, c'est ça, vous êtes tof de Fun Radio, je suppose, hein? Non, pas du tout, madame, pourquoi vous dites non, ça? Non, pas du tout, parce que vous êtes tof. Ah oui, donc je suis démasqué. Voilà. Bon, très bien, ben, je vous souhaite une bonne soirée, alors. Vous aussi. Merci, au revoir. Et votre mari, alors, pour les putes, oui ou non? Non. Non, ah ben voilà. Bon ben merci, hein, bonne soirée. C'est ça, bonne soirée. Ah putain, victime du succès encore une fois. Ça fait deux fois aujourd'hui. Ah mais deux fois en une soirée là, ça fait chier quand même. Hein. Bon bah tant pis, 1h52, il y a Miguel aussi qui dit Georges il m'a tué, limite je me suis pissé dessus, c'est abusé. Et Julien également, Georges draguer une fille, c'est comme une cliente, sauf que là c'est toi qui vends. Oui c'est ça. Et Damien également, vas-y Georges, hein, rentre-lui dedans, mets-lui un doigt dans le cul. Oh là là, la cradeur là. Et Teddy Toff, le casse-couille de service. Oui, même à 1h50 du matin, il faut que nous continuions. Et Charlie également qui dit vous me faites taper des grosses barres, il m'a envoyé un mail avec vos appels, continuez comme ça les gars, c'est parfait. Si je pouvais avoir un petit message de bienvenue mais bien violent. Bien violent. Oui, ah bah j'ai celui-là, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'avait plus entendu, tiens. Ah t'as été coupé mon con. Eh bien viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pédé de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Fourriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Ah et voilà, on l'avait eu en exclu et en VIP, hein, voilà, en version full. Bon, la star dont je vous parle depuis tout à l'heure, évidemment, n'est autre que... Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me tromper mes orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le grand lapin blanc veut me croquer ma merveille. Jean-Pierre Sauzet. La légende. Comment ça va JP? Salut. Ça va bien ou quoi? Ça va très bien. Et toujours avec ce sifflement dans ce téléphone. À l'époque où Max t'avait au téléphone, il y avait déjà le sifflement. Ouais. Et bah pour ceux qui ne connaissent pas, Max c'est celui qui faisait Libre Antenne il y a des années, hein, sur Fun Radio, qui est passé nous voir la semaine dernière d'ailleurs. Ouais. Max Star System. Et donc il y avait déjà ce sifflement. Bah oui, bah ce téléphone sans fil, c'est un vieux. Donc. Ah oui. Voilà. Mais depuis le temps. Attention, téléphone sans fil, donc pas communément appelé aussi GSM par exemple. Non, c'est un téléphone fixe. Voilà. Mais sans fil. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. D'où le sifflement. Mais pourquoi tu prends Est-ce pas un fil? Est-ce qu'il y a encore une antenne télescopique ou pas au téléphone? Non. Ah quand même, t'es moderne. Oui. D'accord, ok, bah très bien, bah, ça me rassure. Bon, Jean-Pierre, quoi de beau alors? Bah là, je passe le bonjour à mon producteur. Ah ça y est, t'as signé? Voilà, monsieur Marchand. Non, il m'envoie le contrat déjà, là, je vais l'avoir demain ou après-demain. Bah c'est parfait. Et monsieur Marchand, son projet, tout ça, il n'y a pas de problème. Ah bah tant mieux. Puis il faudrait que t'appelles aussi Guillaume ou Vincent hein, qui s'occupe de moi. Mais alors Vincent, on l'a dans le téléphone, on l'a dans le standard, il est au téléphone. Allô Vincent? Bah écoute, bonsoir Mickaël, bonsoir tout le monde. Bonsoir, je tiens Vincent. Juste à dire une chose Mickaël, tu es très courageux. Oui, ah bah je sais bien, et moi-même parfois je me trouve courageux. Bon, Vincent, t'es qui par rapport à Jean-Pierre Sauzet? Ah bah écoute, Jean-Pierre il passe dans mon émission tout mardi sur un autre média, et c'est vrai que quand j'ai le malheur de ne pas passer Jean-Pierre le mardi, c'est très inquiétant pour lui. Ah bah bien sûr. En dépression. Évidemment, évidemment. Donc il appelle 15 fois la radio, il appelle tous les jours. Ah bah nous ça va, il appelle pas, il avait déjà... Il appelle pas trop chez toi Mickaël? Non, Jean-Pierre t'appelles pas souvent hein. Non mais c'est Vincent qui me dit d'appeler tous les soirs, mais j'en ai marre. Ah oui c'est Vincent, voilà, bravo. De toute façon tu peux pas me passer tous les jours Mickaël, t'es d'accord avec moi? Non bah tous les jours pas. Semaine ou tous mais les voilà, jours, parce qu'après, ouais. Bah parce que je t'avais passé un peu plus souvent, puis après on a eu Jason Derulo qui m'a appelé, qui m'a dit écoute mec ça se fait pas. Bah non. Donc voilà, donc du coup je l'ai mis tout à l'heure, Jason Derulo, pour faire plaisir. Quoi. Aussi. Non mais pour faire plaisir. Ouais que... voilà, mais non je veux pas jouer la star aussi. Non mais t'as raison. Sur une radio, tu vois. Exactement. Et ça, j'aimerais c'est bien passer sur d'autres radios aussi. Bah, évidemment. Et c'est ça qui est bien, c'est que t'es humble, Jean-Pierre. Ouais. Bah ouais mais c'est vrai, mais c'est bien. Important. Alors que l'autre, cet enculé d'Eminem et Rihanna, ils sont pas humbles, hein. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoute-moi bien, moi je veux passer tous les soirs. Tu vois, alors que contrairement à toi, t'es encore cool, tu vois, tu dis voilà, écoute, c'est vrai que t'as, y a d'autres artistes, je veux pas monopoliser l'antenne. Alors que eux deux, là, ces enculés, ils veulent passer tous les jours. Hein. Mais c'est là qu'on sent les vrais stars, tu vois, comme Jean-Pierre. C'est que voilà. Moi je dis, il y en a d'autres de radio, et je vais passer sur France Bleu, sur d'autres radios. Ah bah, bien sûr. Nostalgie, sur les FM, tu vois. Ah bah, évidemment. Je vais mettre ça en place, Jean-Pierre, quand tu pars sur France Bleu Normandie, je vais mettre ça parfait. En place. Parfait. Bon, ben voilà. Non mais c'est bien, mais c'est et bien. Aussi, aussi j'ai une bonne nouvelle parce que bon, je connais quelqu'un qui est neveu de Johnny Hallyday. Ah oui, ben bah justement, là aussi, tiens, alors c'est André, c'est ça? Allô? Jean-Pierre? Oui. On l'a aussi, c'est André, c'est ça? Non, non, il veut pas dire son prénom parce que. D'accord, d'accord, bah on va taire son prénom. Allô? Allô, Monsieur X? Oui, c'est Monsieur X, c'est ça, le neveu de Johnny Hallyday. Voilà, donc c'est Robert, c'est ça? C'est oui, André, Robert, c'est on a déjà changé en fait. André, ah d'accord, ok. Bon bah très bien, alors parfait. Bon alors du coup, Robert, André, donc toi t'es le neveu de Johnny Hallyday, c'est ça? Exactement, je suis le neveu de Johnny. Ok. Donc Johnny, je le connais très bien. Bah forcément. On a fait des communions et des baptêmes ensemble. D'accord. Je suis allé chez lui dans sa villa. Ah, à Los Angeles. À Los Angeles, LA, California. Ok, motherfucker, come on, yeah, Beverly Hills. Yeah, guys, Beverly Hills, yeah, yeah, you know. And j'ai dit à Jean-Pierre Sauzère qu'on pourrait peut-être envisager un duo. Et Johnny m'a envoyé un mail. Johnny m'a envoyé un mail me disant qu'il allait lui envoyer une vidéo. Bah génial. Lui parle en anglais. Et ouais mais attends, voilà. Attends, Robert, André, Jean-Pierre, par contre là il va falloir travailler l'anglais hein. Non non mais Johnny va me parler en français mais je pense que c'est peut-être un canular parce que je vois que Guillaume, je veux dire Jérémy, c'est, enfin comment il s'appelle, Vincent, ils font la gueule. Donc pas des canulars comme ça, j'aime pas trop, tu vois. Faut pas jouer avec Johnny. Ça se fait pas, On respecte Johnny, alors si bah ouais. Un canular, après. Mais non, mais voilà, mais attends, ça se fait et pas. Moi, je voudrais pas passer sur ta radio, puis qu'on fasse un canular, parce que après. Non, parce que c'est vrai, mais parce que si, radio, si jamais c'est un canular, effectivement, ça se fait pas. Parce que moi, j'aime pas ça, il se marre. Mais évidemment. Sinon, en fait, tu t'étonneras que je passe plus. Là, tu m'étonnes. Parce que je voudrais plus passer chez toi. Bah oui, Jean-Pierre, mais t'as raison. Et on s'est fâché pendant 4 ans comme ça. Ah bon ouais. JPS. T'as raison, il faut pas te laisser oui, faire. Ouais, ouais. Il faut non pas mais moi ce que je voudrais, bon, c'est surtout avancer, voilà. Parce que bah évidemment, mais t'as raison. Mais est-ce que tu peux travailler un peu ton anglais? Parce que c'est quand même, tu vois, c'est important. Non mais je quoi. Sais pas l'anglais, mais de toute façon c'est un français, Johnny, et puis voilà, il est belge d'origine. Oui, non mais je sais bien, mais ce serait quand même bien de t'exporter outre-Atlantique. Non, non, mais d'abord en France, j'ai déjà un producteur qui va me produire. Et outre-Manche. Voilà. Chez les Anglais. Après, si Vincent, il se marre la gueule en faisant appeler ta radio, puis c'est passé comme ça... Mais non, mais c'est parce qu'il y a, à mon avis, Sandro doit lui chatouiller les pieds. C'est ça, exactement. Non, elle lui mangeait les orteils. Ah, c'est ça. Bon, écoute, remettons... Et après, en plus, tu dois mettre sur iTunes, tu m'as dit. Bah, sur iTunes, ouais, il faut te mettre absolument sur iTunes pour que les gens puissent acheter. J'ai essayé de t'appeler à ton bureau, j'arrive pas à joindre. J'ai aussi ton portable, déjà, pour prouver ton sérieux. Bah, oui, mais alors, justement, et alors? Bah oui, et moi je vais le porter à ma masque, tu vois, ici. Bah oui, je suis bien. Dans le 6 à la fin, alors. Non mais oui, bah d'accord, ok, mais justement, alors. Mais du coup, est-ce que éventuellement tu peux, sur iTunes, tu t'es mis ou pas alors? Pas encore? Bah je sais pas, m'y mettre dessus, si tu peux m'y mettre. Hein, bah écoute, alors on va arranger ça, on va essayer de te mettre sur iTunes. Voilà, enfin tu m'appelles, je te donne mon riz, ben voilà, tu vois. Oui, bah pour que l'argent rentre. Bah oui, pour m'acheter des pompes. Faut t'acheter des pompes, évidemment. Pour qu'il puisse aller faire ses shows. Mais est-ce que tu t'es créé un Twitter? Non, non, non, je suis sur Twitter, mais je sais pas trop m'en servir pour ça, moi. Bon, écoute, c'est pas grave. Pas. Non, mais sur Facebook, c'est déjà pas mal. Et c'est quoi l'adresse? Bah, c'est JPS AU@yves.fr. Donc, alors, JP... Alors, j'ai rien compris. Yves. JPS AU@yves.fr. Ah, live. Ah, live. Ah, qui est live comme live. Ouais, enfin, c'est un anglais, tout est anglais. Oui, c'est anglais. Bah oui, mais bon, après, ça s'apprend. Hein. Donc ça, c'est sur Facebook. Ouais. Bon, ok, parfait. Et très bien. Il y avait aussi un autre site, là. C'était quoi, l'autre site? Le site, je sais plus en nom de la tête, je sais pas. Tu sais plus, un truc où on partage ses chansons, là? Ouais, non, je sais plus, là, j'ai pas devant moi, là. Merde, putain. Mais c'est sur quelle plateforme? C'est le MyPass. Ah oui, MySpace, c'est ça, exactement, et tout à fait. Et alors, donc, sur le MySpace, tu te souviens plus du nom? Enfin, du lien? Bah, le lien, si je me souviens dans ma tête, le lien, ça devrait être www.mispace.com/JP Sauzère. D'accord, ok, très bien. Bon, alors écoute, bah c'est parfait. Écoute, la promotion est faite, de toute façon, on va remettre ton disque ce soir, hein. Ok, ouais, mais j'aimerais que si ça te dérange pas de voir avec la programmation, on peut programmer dans la journée, tu vois. Bah oui, évidemment. Ah bah oui. Bon, je sais que Koué déconne des fois, mais j'aimerais bien qu'il m'invite et qu'on fasse comme qu'il nous. On peut lui filer le numéro du programmateur. Bah bien sûr, on va te filer le numéro de téléphone du programmateur sans problème. Ouais, si j'aimerais bien que tu m'invites un de ces quatre dans tes locaux, tu vois. Oui, ah bah écoute, y a pas de problème. Et t'invites Marx en même temps que je. Bah évidemment, il est passé la semaine dernière en plus. D'accord. Bon bah c'est parfait ça. Écoute, okay. on va essayer d'arranger ça, il y a pas de problème. Bah merci Vincent et le oui, merci. Johnny, merci à vous deux. Mais de rien. Bah c'est gentil Vincent, merci André, à bientôt hein. Enfin Robert. On embrasse JP, JP, bah bien sûr. Toi, bah j'espère pour lui en tout cas. Ouais. Bon bah salut hein. Ouais. Salut, ciao. Bon bah salut. Eh hey, Jean-Pierre. Oui. Est-ce que tu peux me faire un truc parce que tu comprends, si jamais on te passe, il faudrait que tu nous fasses ce qu'on appelle un station call. Ouais. Tu vois, un station call c'est comme par exemple Hi, this is Drake on Fun Radio, tu vois. I love fun radio, tu vois. Donc, il faudrait que tu m'en fasses un. Bon, tu peux le faire en français, même si c'est mieux en anglais, mais je vais pas te forcer. Il faudrait faire un jingle que tu me rends. Voilà, un jingle. Et voilà, un jingle. Mais alors, est-ce que tu pourrais le faire juste là pour qu'on s'entraîne un peu? Ouais, je vais essayer. Ouais. Genre, par exemple, salut, c'est Jean-Pierre Sauzère. Vous écoutez mon nouveau single Jean-Pierre in Wonderland sur Fun Radio. Oui. Alors, vas-y. Alors, bonjour, salut, c'est Jean-Pierre. Vous écoutez mon titre. Jean-Pierre, Isanda Roland sur Fun Radio. Et la radio qu'on aime. Ah, avec le bruit de masse à la fin, c'était parfait. Mais par contre, il y a eu un petit problème, ça fait à la fin. Est-ce que tu peux le refaire là, on l'enregistre. Alors attends une seconde, attends, on l'enregistre. Technicien, s'il vous plaît. Attends, non mais on enregistre. Voilà, on enregistre, c'est parti. Vas-y, go. Salut, c'est Jean-Pierre. Alors voilà, je vous passe. On refait. Non, attends, on refait. Vas-y. Salut, c'est Jean-Pierre. Alors, je vais vous présenter ma chanson qui passe sur Fun Radio. C'est Jean-Pierre, Isanda Roland. On refait. Parfait. C'est parfait. Salut, bonjour, c'est Jean-Pierre. Alors, vous êtes bien sur Fun Radio avec Michael. Et il passe ma chanson, Jean-Pierre Wonderland. Yeah. Parfait, bon. Mais tu vois, tu l'as bien fait, la Wonderland. Ah voilà, alors. Bah on va garder celui-là alors. Et bienvenue, vous m'écoutez surtout mes fans. Sur et bah bien radio. Sûr, bah surtout eux, évidemment, ça tombe sous le sens. Ouais parfait. Et bah merci Jean-Pierre, je te mets la chanson avant de partir là. Ouais, puis si tu peux la programmer dans la journée. Oui bah ça c'est pas moi, je suis pas programmateur, mais j'en parlerai. Ouais, ok. J'en parlerai sans problème, d'accord. Et tu me rappelles quand tu veux, la semaine prochaine. Oui, bah écoute, quand tu veux, toi aussi, hein, tu connais le numéro, hein. Ouais, bah, surtout le numéro. Portable. Ah bah bien sûr, bien entendu, t'inquiète pas, on va gérer ça. Ouais, pour on ira se manger un couscous avec Max. Ah bah parfait. Bah mets deux. Hein. On ira au théâtre Mongador, enfin, c'est un bon couscous. Exactement. Eh ben mais ça, on ira manger un couscous, ouais, sans problème. Voilà. Bonne soirée. Hein. Bon bah salut, hein, merci beaucoup Jean-Pierre. Et... Vive Jean-Pierre Wonderland. Eh ben Jean-Pierre Wonderland sur Facebook, Mispace, bientôt iTunes également, où il sera disponible. Twitter. Et sur Twitter, mais là il faut qu'il gère encore parce qu'il n'a pas encore tous les mots de passe. Bon ben salut en tout cas JP. Hein. Ouais, salut, à bientôt. Hey, rock'n'roll, ouais JP. Ouais, salut c'est... JP, ciao. Bon ben voilà, attention, et JP grande star, je l'ai promis, la grande star on l'a eu. Il y a Soraya qui dit merci de m'avoir pris à l'antenne. Je vous kiffe, bisous et rip à George Gangsta. Merci Soraya et merci de passer à l'antenne surtout. Stéphanie qui dit dans la rue, moi je trouve ça mignon alors qu'en boîte franchement ça craint. Ah oui, c'est par rapport à la drague de tout à l'heure. Bon, on va faire le top tweetos dans quelques minutes, mais avant de faire le top tweetos, c'est vrai que je me sens un peu obligé, surtout parce que notamment l'animateur qui arrive après nous me l'a demandé. On va se le mettre hein. Ouais, Jean-Pierre Sauzère. Jean-Pierre Inv... Non, on va le mettre juste après, tiens, ce sera le premier titre. Ce sera le premier, donc c'est parfait. Bah restez bien là, tiens, on va se mettre... Il insiste en plus. Je vous avais promis le son de Drake, du coup, on l'a zappé. Bon, on le mettra aussi après, c'est pas grave. On est là, on est bien. Bah oui, on est bien. Allez hop, on y va. On va faire le top tweetos maintenant. Et on aura justement le morceau de Jean-Pierre Inv Wonderland juste après. Bon, on y va. Allons-y. Allez, numéro 4, puisque je rappelle que c'est le numéro 5 qui gagne. C'est Fabienne. Fabienne, numéro 4. Numéro 3. Teddy. Numéro 2. Cédric. Numéro 1. Let's be free. Eh oui, ce sont donc ces gens qui n'ont pas gagné le sextoy. Et mais qui non. a gagné? Qui est le numéro 5? Le prince Nadia. Eh ben le prince Nadia. Alors que c'était Megumi, la pauvre, qui devait reprendre son petit... Elle est sixième. Oh là là, Megumi. Oui. Oh là là. Megumi, putain. Et en plus, ça se joue à rien. Ça se joue à 4 tweets. Je vais envoyer des baguettes à Megumi. Il y a Stéphanie qui dit on ira manger un couscous avec Max, le tueur. Et le prince Teddy qui dit la classe internationale avec Jean-Pierre. JP il est énorme, c'est Tenchi qui avait envoyé le message. Et oui, que des fans pour Jean-Pierre Sauzère. Et ça c'est beau. Allez l'équipe avec l'équipe couscous avec JP. Mais oui Jérémy, merci à toi en tout cas. Bon bah très bien, bah voilà, on s'est bien marré ce soir là. Ah ouais, ouais. Comme tous les soirs. Bah exactement ouais. Bon on se met JPS alors. Oui. Hein. Allons une Wonderland. Une Wonderland. Mais d'abord bon on va se mettre JPS maintenant hein, Jean-Pierre une Wonderland maintenant. C'est parti. Yeah. En exclu total. Toutes les radios veulent le single et Jean-Pierre Sauzère nous l'a laissé pour nous. Exclusivité mondiale. Jean-Pierre Sauzère une Wonderland maintenant. Et ça c'est beau. Vous remarquerez les nouveaux effets musicaux. Ça a été enregistré à New York. Ouais. Avec les mecs de Jay-Z, mecs, ouais. C'est Jay-Z. Ouais. En mangeant champignons en forme de gros pions, je suis tombé dans un monde magique et j'étais pris de panique. Mes dents étaient tombées, mes cheveux avaient repoussé. Alors j'ai tout compris et je me suis dit. Et je me suis dit. On la filmera, on vous la mettra. Allez, sur Instagram, Twitter et Facebook. Allez, suite. J'avais oublié mon fusil dans le coffre de ma Ferrari. Heureusement, j'avais un chou-fleur, c'est utile en cas de malheur. C'est alors que j'ai remarqué qu'un gros steak haché pendait à mes habits. Et je me suis dit... Et je me suis dit... Au pays des merveilles, le chapelier fou ne me croquait plus en taille. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le grand lapin blanc ne me croquait pas merveille. Attention, le break. Sous cadence. Exactement. Tu descends là. Il y aura la Corée bientôt, hein, on va vous la mettre en ligne. On va filmer ça avec Toff. Des merveilles, le chapelier fou ne me croquait des orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le grand lapin blanc veut me vendre mes oreilles. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer des merveilles. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le grand lapin blanc veut me croquer des merveilles. Bienvenue à la Réunion. Ah, la Réunion qui nous écoute, il est 4h10 à la Réunion d'ailleurs. Il serait temps d'aller se coucher. Hein. Note, il y a peut-être des gens qui se réveillent, les boulangers tous à la Réunion et qui nous écoutent le matin. Ils vont se dire, mais complètement barré les mecs là-bas quand même. Un truc de dingue. Bon, ben merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Après Jean-Pierre Sauzère, et ben le générique de fin, comme ça on aura achevé tout le monde. Là, c'est parti, attention. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle. T'encules comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Enculé. J'ai toute la journée. Enculé. Va te faire enculer, gros bâtard. Là, je vais t'enculer, moi, t'as l'air, bâtard. Tu te meurs. Et toi, espèce d'enculé, moi. Tu sors de queue. Ferme ta gueule, je t'en viens, branleur. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Et toi, espèce d'enculé, moi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Là, je vais t'enculer, moi, t'as l'air, bâtard. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des vite-off, te sucer, toi l'enculé. Calme-moi, ça te fait enculé. Toi t'as un nom, c'est l'enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Petit enculé. Eh oui. Merde. Suce ma bite. Elle fait n'importe quoi ce soir, c'était c'est parfait. Lilou. Oui, c'était pas, oui, exactement. Lilou était pas au taquet, je suis désolé, je suis même très déçu. Elle est rémunérée pour ça. Une nouvelle auditrice s'appelle Barbara, qui n'avait pas encore écouté l'émission jusqu'à cette heure-ci. Ah, bah on l'embrasse. Et voilà, qui kiffe. Hein. On est bon, hein. Ah bah qui surkiffe, qui on est au taquet du taquet. Vous êtes un sacré petit galéron. Ah bah complètement, ouais. Bon, allez, passez une bonne nuit tout le monde. Rencard demain, 23h, j'ai presque oublié l'heure. 23h sur Fun Radio avec encore les iPad Air à gagner, avec demain le jeu de la rupture. Il va y avoir une rupture demain. Non. Ah si, oui. À partir de 23h. Et madame, il y a une rupture. Exactement, il y a une rupture. Allez, demain, 23h. Michael, No Limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et payer à notre ami également, JB. Ouais. Quelle fin d'émission. T'as vu au taquet, hein. Okay. On est bien, on est pas bien. Ah là là, ouais. Le chat. Qui fait plein de vannes. Mais ouais, bah bien sûr. Ouais. Bravo Sandro. Ah bah voilà. Le beau gosse de la night. Et ouais. Jean, je vais demander à Jean-Pierre qu'il fasse un jingle aussi. Ouais. Ah ouais. C'est vrai. Salut, c'est Jean-Pierre Sauzère avec JB sur Fun Radio. Ce serait bon, non? Avec l'accent anglais et tout. Bah évidemment. On va le remettre d'ailleurs. Non, ouais. Il insiste. Non mais t'enflamme pas on non plus. On va se quitter avec ça. Merci beaucoup d'avoir été là. JB la nuit maintenant jusqu'à 6h l'arrivée la de Bruno. France. Non, non. La et France, merci la à France, tout le monde d'avoir été sur Twitter et Facebook. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain dès 6h sur Fun Radio. C'est Jean-Pierre Sauzère. Jean-Pierre in Wonderland. Premier titre de chez JB la nuit là. Non. La France. Ah, si. La France le son existe. Le son dance floor. La France le demande. En mangeant champignons en forme de confusion, je suis tombé dans un monde magique et j'étais pris de panique. Mes dents étaient tombées, mes cheveux avaient repoussé. Alors j'ai tout compris et je suis libre. Allez, JB. Et je me suis libre. Le son dance floor. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays de mes rêves. Le grand lapin blanc veut me croquer la merveille. Fun Radio. Je vous suis sur Twitter. Fun Radio is my radio. Le son dance floor. Le son dance floor. Fun Radio. This is fun. J'avais oublié mon fusil dans le coffre de ma Ferrari. Heureusement j'avais un chou-fleur, c'est utile en cas de malheur. C'est alors que j'ai remarqué qu'un gros sac caché pendait à mes amis. Et je me suis... This is Fun Radio. Son dance floor. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le grand lapin blanc veut me manquer mes orteils. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. On est bon là, avec Jean-Pierre Sauzère en exclu. Et je me suis dit... Allez, dernier refrain là, après on va dormir. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le grand lapin blanc veut me croquer les merveilles. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou il sort de queue. Et ben voilà, on se met une doublette. C'était le double fun. Double fun de Jean-Pierre Sauzère. Bon, partez avec un god. Bon, il a qu'un hit, hein, par contre. Ouais, bah c'est pour ça qu'on a mis deux fois le même. C'est plus facile. Je comme pense ça. Au programmateur de la radio qui quand même check les sons qu'on passe. Qui a fait JB, ça fait 6 fois que tu passes Jean-Pierre Sauzère là. Ouais. Moi. Il faut savoir que c'est JB qui demande. Ouais. Non, bah ouais. Si, la France. JB. Ah si, on est tous témoins. Dis la vérité, JB, t'es le premier fan de Jean-Pierre. C'est Mickaël. Le problème dans cette radio, c'est Mickaël. N'ayons pas peur des mots. Très bien, d'accord, non. C'est dit. Moi, je n'ai qu'un mot à dire. Il va mettre une troisième fois. Voilà. Ta gueule, voilà, JB, vous allez vous faire chier avec lui toute la nuit parce que son émission est merdique de toute façon, je tiens à vous le rappeler. Hein, dès qu'il commence à parler, par contre, n'hésitez pas à couper le son. Ouais. Voilà, c'est mieux pour tout le monde au final. De toute façon, il a trop d'audience à cette heure-là. Oui, je pense qu'il est numéro 1. Et JB, comme quoi, c'est les merdes qui sont numéro 1 à chaque fois. Non, mais c'est vrai, hein. Toutes les émissions pourries sont numéro 1. Vous avez eu beaucoup de stars ce soir. Ah oui, oh là là, énormément. Jean-Pierre Sauzère. Bien sûr. Jean-Pierre Sauzère. Non, il y a eu Jared Leto. Non, c'était pas ce soir. Si t'écoutais un temps, soit pas l'émission. Hein, non, c'était même la semaine dernière. Ah bon, c'est pas grave. Tranquille. Oh, parce que tout à l'heure, t'as dit qu'on avait eu Jared Leto. Ouais, on a eu Jared Leto. Ouais. Bon, et j'ai pas dit aujourd'hui. Ok, d'accord. Bon. Attends, hein, parce que je crois que t'as niqué sa vanne en fait. Voilà. Qu'il avait, t'as niqué son lancement là. J'avais pas calculé. Bon, vas-y, oui, on a eu Jared Leto, et alors? Ah ouais, parce que lui, il se réveille tous les jours à 4h du mat. Et il fait, oh, il est tôt. Allez bien. Moi, j'ai créé dans la voiture et je me suis dit. Ouais, j'aime. Moi, j'adore. Merci Polo, t'es vraiment un boss. Ouais. Ouais. Je te remercie. Elle est drôle. Bon. Mais oui, elle est drôle. Voilà. Mais bien sûr qu'elle est drôle. Ah oui, non, elle est drôle, ouais. Hashtag on aime les blagues de JB Fun Radio. Vous êtes un sacré petit Galéron. Hein? Vous êtes un sacré petit Galéron. Oui. Ouais. Bon, allez, courage, hein. Bruno arrive dans moins de 4 heures, là, ça va bien se passer. Il y a un mec en attendant et c'est Drake qu'on écoute maintenant. À demain, tout le monde. I got my eyes on you. You're everything that I see.